Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Il s'agit du 8e podcast de cette année 2023, podcast de rentrée pour septembre 2023. Avant de commencer l'émission à proprement parler, vous savez que je dois procéder à quelques petits rappels habituels. Les voici. Je rappelle donc que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle. Nous avons aussi un canal ami qui nous fait la gentillesse de nous partager sur Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle. Je vais bien sûr commencer par la présentation des membres. Je commence par Elzinko. Elzinko, comment ça va ? Bah, ça va très bien, Bobby. J'espère que toi aussi et que tous les auditeurs aussi vont bien. Bon, écoute, ça va. En fait, j'allais dire, on va présenter aussi les autres personnes, mais non. Alors, on va pas faire une émission à deux. Rex arrive. C'est l'histoire de quelques secondes, quelques minutes. Et pareil pour Longinus, donc ils vont nous rejoindre en cours de route, ils vont arriver vraiment très bientôt. On va commencer par un petit sujet un peu rigolo, hein, les Anglicans qui nous font rigoler. On avait déjà parlé des Anglicans, on va en reparler un peu parce qu'en fait ils font parler d'eux quasiment toutes les semaines avec leurs idioties. Je vais commencer d'ailleurs par une petite news partagée par le site, par le média BFM TV, qui concerne la prière du Notre Père, je lis. Un archevêque anglican s'interroge sur la connotation patriarcale de cette prière. Extrait. Dans la même lignée, l'Église d'Angleterre avait déclaré en février dernier qu'elle examinerait la possibilité de cesser d'appeler Dieu avec le pronom « il » à la demande de prêtres préférant utiliser des termes non genrés. Donc en gros, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais le Notre Père, faut l'enlever parce que c'est sexiste, c'est pas assez inclusif, c'est patriarcal. Ce qui est quand même assez embêtant, vu que c'est une prière qui a été dictée directement par le Seigneur Jésus lui-même. Apparemment, voilà, Jésus n'était pas assez inclusif, on va réformer Jésus. C'est chaud comme nouvelle. Effectivement, c'est assez déroutant, parce qu'on pourrait s'attendre, venant d'une ce qui se présente comme une religion qui se réclame de Jésus, qu'elle applique les paroles de Jésus, quoi, qu'elle ne se révolte pas contre. Ça semble assez étonnant, je ne sais pas si ça t'étonne, toi, Bobby. Je pense qu'on peut faire évoluer plein de trucs et puis on peut faire des réformes. S'il y a des réformes qui sont bonnes, faisons-les. Alors, vouloir changer les paroles d'une prière, je ne sais pas s'il y a une autre prière qui est dictée par le Seigneur Jésus, je crois que c'est la seule. Eh ben non, il fallait qu'il touche à celle-ci. Il touche à un mot quand même pas banal, quoi. Notre Père, en plus, la formule forcément est parfaite. On voit très bien le père de famille. C'est à la fois l'autorité, c'est l'exemple, mais c'est aussi la bonté. Enfin, la formule du Notre Père est juste parfaite, en fait. Il n'y a pas besoin de la changer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Peut-être pour donner un peu de contexte pour les gens, là, on est... dans la ville de York, donc en Angleterre, et c'est un synode général de l'Église anglicane. Donc, je ne sais pas si tous les auditeurs connaissent forcément l'Église anglicane, on entend plutôt parler de l'Église protestante, mais c'est vraiment quelque chose de distinct. On peut la rapprocher un peu de l'Église gallicane dans le sens français, mais on va revenir un petit peu sur les fondements historiques, parce que je pense que c'est très utile. Il y avait déjà eu, comme tu dis, en fait, il y a un synode, donc c'est un mot qui est à la mode, donc dans cette ville de York, où il y a un archevêché donc de l'Église anglicane. Et là, la personne, en fait, il faut imaginer une grande assemblée, voilà, où il y a des prélats, etc. Et en fait, la personne là qui monte à la barre, à la tribune, pour s'exprimer, c'est l'archevêque de York. Donc c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Enfin, il n'y a pas, bon, à part le chef de l'Église anglicane, qui est normalement le roi ou la reine d'Angleterre, il n'y a rien au-dessus. Et il part après dans son discours, après le mot père, il nous dit « Je sais que le mot père est problématique pour les personnes ayant eu un père destructeur, et machin, ceux qui n'ont pas pu se défaire de l'emprise du patriarcat. » Mais il part, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre un mot. En fait, ce mot, le mot père, c'est bon, effectivement, le père de famille, il a un sens dans notre vie quotidienne, dans l'ordre naturel, on peut appeler ça comme ça. Je hais mon père, c'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh ! Comment tu parles de ton père ? T'as pas honte ? Mais il a aussi un... C'est aussi le nom de Dieu, c'est le père. Il nous dit qu'il veut supprimer le nom de Dieu. Et vouloir supprimer le nom de quelqu'un, c'est vouloir tuer quelqu'un, en fait. C'est haïr la personne dont tu es le nom. Donc en fait, on se retrouve face à une religion qui est censée prôner l'amour de Dieu, enfin, c'est la première, voilà, mais en fait qui se révèle haïr le père. C'est quand même, moi je trouve ça assez frappant, quoi. Ouais, c'est pas juste le père de famille, comme tu dis, c'est le père, le fils, le Saint-Esprit, et ben le cœur de la religion, ça on va le changer. C'est même pas en plus le changer en disant le père devient la mère pour que ce soit plus féministe. C'est encore pire que ça. C'est faut que le père ne soit ni père ni mère. Faut qu'il soit non-genré. Le X, quoi, ils vont l'appeler. C'est une équation, en fait, leur truc. Ils vont l'appeler X, au final. Dans le même article, on trouve un dirigeant d'un groupe conservateur anglican, bon, comme quoi ça existe, qui s'appelle Chris Sulgen, et qui commente, en fait, et dit « L'archevêque d'York est-il en train de dire que Jésus se trompe ?» Ou que Jésus n'avait pas conscience de ses responsabilités pastorales ? Donc, effectivement, comme tu dis tout à l'heure, en fait, il remet en cause le Christ, en fait, les paroles du Christ. Donc, derrière la haine du Père, il y a la haine du Fils aussi. Donc, en fait, il y a tout y est. C'est délirant, hein. C'est franchement délirant. Je pense qu'il y a eu pas mal d'articles parodiques du même ordre qui sont tombés ces dernières années et que maintenant, la réalité a rattrapé la fiction. Ces gens sont en train de faire pire que les parodies. Au départ, c'est quand même une religion qui est fondée sur un roi, le roi d'Angleterre, qui voulait absolument se remarier et divorcer. Le pape lui avait dit non, hein, tu es marié, bah, t'es marié jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lui, il a pris ça au pied de la lettre et il a zigouillé son épouse, plus une autre. Je ne sais plus combien d'épouses il a eu. Peut-être que t'as l'info. Il en a eu 6, mais il en a zigouillé 2. Moi, je trouve qu'il y a une logique, en fait. C'est-à-dire que cette religion, dès sa naissance, elle était ignoble, en fait. Elle est née, comme tu dis, d'un adultère, d'une volonté d'un roi de coucher avec une femme, elle s'appelait Anne Boleyn, qui était en fait une famille de négociants en laine qui était à la cour, parce que les marchands avaient énormément de pouvoir à l'époque. Et moi, je trouve que cette histoire, en fait, ça nous montre, parce que souvent, même dans nos milieux, il y a des gens qui prétendent séparer la politique de la religion. De dire, ok, non, en fait, la religion, ça divise tout le monde, et puis les gens, c'est des athées. Bon, en fait, c'est une façon de cacher le fait qu'eux-mêmes ne croient pas. Et ils te disent, non, on va faire que de la politique. Et encore séparer la vie personnelle, c'est-à-dire notre sainteté personnelle. Est-ce qu'on a une vie de prière ? Est-ce qu'on respecte la loi morale ? Séparer aussi ça de la politique, comme si, en fait, la morale, les mœurs, la politique et la religion étaient séparées. Et moi, je trouve que cette histoire-là, ce cycle de l'Église anglicane qui a commencé avec l'adultère de Henri VIII et qui se termine là en 2023 avec ce synode général qui déclare haïr le père, je trouve qu'il y a une formidable unité en fait, entre le désordre politique, désordre des mœurs, qui pénètre dans la religion. Parce que l'Angleterre à cette époque-là, on est au début du XVIe siècle, il faut voir qu'il y a déjà un profond désordre politique. La guerre de Cent Ans, en fait, elle se termine en 1453. Donc, tous les chevaliers anglais voilà, qui avaient plein de désirs de conquête, de foutre la merde partout, ils se retrouvent, voilà, ils ont plus de terrain de jeu en France, donc ils se ramènent tous en Angleterre. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire ? De s'entretuer, de s'étriper entre eux. Il y a eu une guerre civile, en fait, qui s'appelle la guerre des Deux Roses, où il y a eu donc deux maisons, enfin, la maison royale ancestrale, disons, la maison de York, et la maison de Lancastre, avec les Tudors. Et Henri VIII, en fait, il vient des Lancastres. En fait, ce sont des usurpateurs. Donc, on sort d'une guerre civile, on a un roi usurpateur qui s'entoure de parvenus. La plupart du temps, c'est des marchands. Et en fait, on se rend compte qu'à cette époque-là, en Angleterre, le mercantilisme, déjà, qu'on retrouve après dans le protestantisme et aujourd'hui, qui règne aux États-Unis, qui règne en Angleterre, se subordonnait déjà le politique, en fait. Parce qu'on retrouvait voilà, des marchands de laine, maire de Londres, dans l'entourage du roi, etc. Parce que l'Angleterre vivait beaucoup de négoces déjà à cette époque-là, contrairement à la France qui se reposait sur l'agriculture. Voilà, donc vous avez ça sur le plan politique. Vous rajoutez, vous regardez ce qui s'est passé sur le plan des mœurs. Par exemple, vous prenez la famille Boleyn, là, dont la Anne Boleyn. Vous avez la mère qui s'appelait Catherine Howard, la fille Anne Boleyn et sa sœur Marie Boleyn. Le roi se les fait toutes les trois. En fait, à un moment donné, Marie Boleyn avait été promise en mariage au roi de France. Donc, elle était partie dans sa jeunesse avec sa sœur Anne en France. Au final, bon, ben le roi meurt assez rapidement, donc c'est avorté. Et ensuite, donc, Marie revient, Anne revient, et à ce moment-là, en fait, le roi tombe sous ses charmes parce que Anne, elle est un peu exotique, c'est une brune piquante, tandis que c'est beaucoup de rousse et de blonde. Voilà. Donc il tombe sous le charme et elle arrive à attiser sa passion pendant plusieurs années. Et bon, ben, il se fait déjà la mère, enfin voilà, il a lâché toutes les brides. Et qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, bon, ben, il faut que je divorce, quoi. Et pas parce que j'ai envie de... Voilà. Non, il faut que je divorce parce que c'est la Bible qui me le dit. Ouais, ouais. Ce qui est un autre délire que d'avoir une maîtresse, juste. C'est-à-dire que certains rois de France... Enfin, c'est un roi de France, il faut être honnête. Beaucoup de rois de France, ils avaient leur femme attitrée. Et puis, à côté, ils avaient une petite maîtresse, etc. Mais en tout cas, ils ne souhaitaient pas l'officialiser. Ça restait caché. Et il n'y avait pas d'histoire de « je vais divorcer pour me marier avec la maîtresse », etc. Quoi. Là, c'est un pas en plus, quand même, dans le lire. C'est déjà un sacré foutoir au départ. Accorder sa confiance à une religion qui, dans sa création, est quand même un bordel sans nom, c'est quand même déjà très compliqué. En plus, quand c'est quand même restreint à l'Église d'Angleterre. Hein. Enfin, avec le titre, en fait, on voit déjà les problèmes. Quoi. Dieu, il n'est pas plus anglais que français ou italien. Quoi. C'est problématique, tout ça, ce nationalisme mêlé avec la spiritualité, en fait, on mélange tous les concepts. Ça n'a rien à voir. Quoi. En fait, s'il se dit que la Bible veut qu'il divorce, c'est parce que sa femme, c'est Catherine d'Aragon, c'est la fille d'Isabelle de Castille, la grande Isabelle, donc une grande catholique. Et en fait, à la base, elle était mariée à son frère, Arthur Tudor, qui était l'aîné, donc c'était lui qui était censé... récupérer le trône, bon, en tant qu'usurpateur, hein, mais bon, bref, c'est censé se passer comme ça, c'est leur père qui avait arrangé le mariage, sauf que le Arthur Tudor en question, il meurt dans une bataille, et son père n'a pas envie que la Catherine d'Aragon en question se retrouve avec tous les droits de la couronne d'Espagne associés, qu'elle repart dans la nature et qu'elle lui échappe. Donc, il l'a fait se marier avec son fils, qui sera le futur Henri VIII. Mais le mariage n'avait pas été consommé, si vous me comprenez bien, entre Catherine et Arthur. Donc, il y a eu, en fait, ils ont demandé une dispense, parce que normalement, tu ne peux pas vraiment épouser la femme de ton frère. Ils ont demandé une dispense au pape, à cette époque-là, qui leur a été accordée. Et voilà, donc cette Catherine d'Aragon est devenue la femme d'Henri VIII. Bon, ça l'embêtait un petit peu parce qu'il n'avait toujours pas d'enfant mâle. Mais bon, voilà, ça faisait 20 ans. Et d'un coup, là, il y a Anne Boleyn devant ses yeux, il se dit « Ah non, la Bible veut que je divorce. » Et il était encouragé d'ailleurs par des conseillers cupides, dont Arthur Wolsey. Il était archevêque, ensuite il était même cardinal, et il voulait ambitionner de devenir pape, sauf que ça n'a pas fonctionné. Donc il est un petit peu par désir de vengeance, il a commencé à encourager... a suggéré à Henri VIII qu'il pouvait être le chef de l'Église en Angleterre. Voilà. Et donc, y a un dossier qui commence, l'instruction d'un dossier, c'est en 1527, je crois, de divorce. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut une autorisation spéciale de l'Église, du pape, à cette époque-là, parce que le divorce est interdit. Hein, on ne divorce pas, c'est jusqu'à la mort. C'est un concept que beaucoup de femmes aujourd'hui... connaissent plus. L'instruction du dossier commence. Finalement, le pape ordonne à des cardinaux sur place de mener une enquête. Sauf que la reine, Catherine d'Aragon, ça ne lui chante pas plus que ça de répondre aux cardinaux, donc elle ne dit rien. L'évêque, il se défile, l'évêque qui avait fait le mariage. Donc au final, tout ce qui reste, c'est un peu des intrigants du coin qui balancent des ragots pour dire que oui, Catherine et Arthur, voilà, ils étaient bien allés. Le mariage avait été consommé, etc. Mais bon, ça ne constituait pas évidemment une matière suffisante. La procédure avorte. À ce moment-là, il y a une obstruction papale, sauf que Henri VIII il a fait voter une assemblée ecclésiastique en Angleterre d'évêques de chez lui, qui, bon, d'ailleurs, on peut en parler, mais pour qu'ils acceptent de faire ça contre la volonté du pape. Ils étaient tous corrompus, hein, voilà, on peut le dire. Hein. Donc, il y a un vote de l'Assemblée, et en retour, le pape l'excommunie. En réponse, Henri VIII promulgue ce qui s'appelle l'acte de suprématie, qui, en fait, stipule qu'il devient le chef de l'Église en Angleterre. 1534, au moment où le vent de la réforme souffle sur toute l'Europe du Nord, le roi d'Angleterre, Henri VIII, veut annuler son mariage. Mais le pape le lui refuse, le début d'une longue rupture. Henri VIII a dit, bon, dans ce cas-là, je vais être le chef de l'Église en Angleterre. Lorsque tout cela a commencé et qu'il n'a pu obtenir le divorce qu'il souhaitait, il serait peut-être plus juste de dire qu'il a agi comme un enfant gâté. Henri est habitué à ce que ses désirs soient des ordres. Et après, il a profité de la réforme pour installer un mouvement antipapal. Non seulement il fait ça, mais il contraint, sous peine de mort, tous ses sujets à le reconnaître comme le chef visible de l'Église. Et abandonner l'Église catholique. Et ceux qui ne veulent pas accepter ça se font zigouiller. Voilà, avec une répression sanglante qui a été vérifiée. Dans les faits, c'était très concret. Bah, y a un saint en particulier, Thomas More. Thomas More, c'est un saint de l'Église catholique. À la base, c'était un humaniste. Il avait écrit un livre qui s'appelle Utopie, d'ailleurs, où bon, il délire un petit peu, ça ressemblait un petit peu à du communisme, son truc. Mais il rentre au gouvernement suite à la disgrâce d'Arthur Wolsey, dont on a parlé tout à l'heure, qui d'ailleurs se fait couper la tête, hein, parce qu'à cette époque-là, dès que tu fais chier, au revoir. Il était rentré au gouvernement, mais il avait refusé, bon catholique, il combattait déjà les protestants dans son gouvernement, et il refuse de reconnaître qu'Henri VIII est le pape. Et on lui tranche la tête. Et il a été béatifié. Here comes a new challenger. J'ajoute que Rex, comme promis, vient de me rejoindre. Rex, comment ça va? Écoute, si tu me permets de parler de moi à la troisième personne, Rex va très bien. Très bien, oui. C'est autorisé, il n'y a pas de souci. El Zico nous a rappelé les fondements historiques de cette religion bizarroïde basée sur la libido du roi d'Angleterre. Hein. Monsieur veut plusieurs femmes en même temps et être catholique à la fois, donc c'est pas possible, hein, faut choisir. Quelle est cette religion bizarroïde, quoi? Ah, après, c'est la religion du transhumanisme, du subjectivisme. Le sujet se définit lui-même, il n'y a aucune réalité extérieure qui s'impose à nous parce que c'est fasciste. Par exemple, nous, on est né blanc, on l'a pas choisi, c'est comme ça, mais bon, on fait avec, on en est même fiers, quoi, donc c'est pas plus mal. Mais certains, ça les dérange, oui, donc voilà, faut pas dire notre père, faut dire notre non-binaire, il y en a un qui, je pense que Bobby l'a mentionné sur le fait qu'il disait que voilà, Dieu est trans, Dieu est PD, de ceci, cela, donc les délires modernes, les anglicans de l'époque n'en étaient pas là, mais à force de dégénérescence en dégénérescence, on finit par aller très loin. Et je te remercie de me lancer un petit peu sur ce sujet en me disant, dernièrement, je me disais, ces gens proposent en plus des nouvelles traductions de la Bible et font dire des paroles au Christ qu'il n'a pas dites, telles que, comme quand il s'adresse à Marie-Madeleine, par exemple, il dit femme, vous voyez, c'est issu d'un mot oriental d'ailleurs qui est respectueux, hein, c'est madame en quelque sorte. Et en fait, ces gens-là voudraient mettre Yel à la place de femmes ou quelque chose comme ça, ce qui fait que je pense qu'on pourrait quand même les traîner devant les tribunaux en les accusant de faussaires, parce que à un moment donné, vous prêtez au Christ des paroles et des concepts qu'il n'avait pas du tout. Ça, c'est des révisionnistes, en fait. Des révisionnistes, ce genre-là. Oui, c'est un vrai négationniste, c'est celui-là. Ouais. Alors, le Dieu est PD, God is queer, c'était un pasteur protestant qui l'a annoncé lors de la plus grande cérémonie protestante allemande annuelle. Il avait dit comme ça, Dieu est PD, et puis les gens ont applaudi, et puis tout le monde a trouvé ça génial. Bon, voilà un peu le délire dans lequel on baigne encore. Faut suivre. Hein. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black lives always matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Ouais, c'est sûr. Après, tu disais que l'anglicanisme était né de la libido d'Henri VIII, mais comme on l'a vu, il y avait aussi la corruption sociétale. C'est-à-dire que s'il y avait eu juste la libido d'un roi, s'il y avait simplement eu un roi corrompu, ça n'aurait pas suffi à implanter et à extirper de la même façon l'Église catholique d'Angleterre, parce que l'histoire, en gros, de l'Église catholique en Angleterre, elle se termine avec ça, avec l'anglicanisme. Le clergé finit par être assez servile, en fait, face à ça. Et bon, je pense que de la part du peuple, il y a une résistance passive assez poussée. Mais plus les décennies passent, et vous savez, plus on se fait manger. Ce qui est marrant, c'est que, oui, tu disais que la plupart du clergé, en fait, c'est complètement soumis, en fait, abjurer la foi catholique, vraiment, comme un seul homme. Il y a eu que, voilà, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, hein, les mecs qui ont soutenu leur foi, qui sont des martyrs, en fait, hein, parce que c'est une forme d'interdiction de l'Église catholique, comme du temps de l'Empire romain. Donc, tu as Thomas More, effectivement, et tu as un autre évêque, c'est l'évêque Fischer. Mais à part ça, enfin bon, je ne sais pas si tu as fouillé les annales un peu plus que ça, mais bon, en tant que figure, en tant que notable, il y a vraiment eu pas grand-chose, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est les deux références essentielles. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que Henri VIII, d'intention, se définissait encore catholique, donc il y a une opposition violente au pape, et uniquement, si j'ose dire, ça s'arrêtait que là, c'était déjà très grave, hein, mais ça ne s'arrêtait que là, et en fait, ses successeurs-là seront pour le coup vraiment anticatholiques, et il y a eu cette volonté de façonner par les lois le pape petit à petit, de leur faire accepter les choses, et... sujet similaire avec tout ce qu'a pu même traiter Dédé par rapport au protestantisme, aux conciliaires, aux modernistes et tout, il y a quand même des sujets similaires où bah, ils se sont attaqués à la messe et aux différents rites de l'Église catholique au sein de l'Église anglicane, par la force des choses, par la suite en fait. Ils ont fait leur propre religion, toujours avec le même délire, on va faire de l'archaïsme, on va revenir aux premiers chrétiens, un machin, et finalement ça dégénère dans un truc doctrinal complètement fou. Aux personnes aussi, hein, ils sont attaqués à la messe, aux rites, ils sont attaqués aussi aux personnes. Hein. Les fameux récusants, c'était les catholiques qui ne voulaient pas renier la foi pour embrasser l'anglicanisme, qui ont été persécutés, massacrés par milliers. On n'a pas le chiffre exact, mais on a su qu'il y a des villes comme ça qui avaient complètement disparu. À la mort de Marie, la seconde fille d'Henri VIII, la reine Élisabeth, renoue avec la foi anglicane qui devient religion d'État. Le pape excommunie la reine Élisabeth, ce qui reste un événement douloureux pour les catholiques. Ils sont devenus des traîtres, perdant toute loyauté envers la reine, et cette situation est extrêmement difficile pour l'ensemble des catholiques, du XVIe au XVIIIe siècle. Elle décrète que l'Église d'Angleterre est l'Église d'État. Et c'est quelque chose à laquelle le peuple à l'époque n'est pas habitué, le fait qu'un État et une Église soient intrinsèquement liés. Donc, la reine est le chef de l'Église, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Une Église qui, au même moment, s'affiche ouvertement anticatholique. Et c'est dans ce contexte que débutent les persécutions avec l'application des lois pénales. Ce qui m'a frappé, moi, dans cette histoire, c'est vraiment la logique de comment le chaos passe de la sphère des mœurs à la sphère politique et à la sphère religieuse. Comme quoi, en fait, si tu acceptes, par exemple, la démocratie, simplement, si tu acceptes la démocratie dans la société politique et tu dis c'est un idéal où tout le monde est souverain, machin, ben ça finit par rentrer dans l'Église, en fait. Forcément, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec la synodalité. Enfin voilà, vous avez dû en parler comme moi. Déjà, Vatican II, etc., le modernisme, c'est un petit peu comme la démocratie qui rentre dans l'Église. Donc voilà, peut-être que tout ce qui était le ralliement, certains aspects de la doctrine sociale de l'Église, enfin voilà, si on essaye d'appliquer ce principe-là à l'Église catholique, parce que bon, l'Église anglicane, on s'en fout un peu quand même au final, on peut quand même être un peu moins envie d'être démocrate. En plus, c'est, comme je disais, c'est le XVIe siècle, donc tu as quand même de grosses perturbations en Occident, où le champion de la religion catholique, c'est surtout Charles Quint. Nous, on a un peu le souci gallican, qui est quand même moins violent que l'anglicanisme, c'est sûr, mais assez proche, finalement, dans ses hostilités par rapport à Rome. Et puis, finalement, en plus, c'est un argument qui est très souvent reproché aux catholiques. Ah, vous obéissez à un État étranger. Vous obéissez au pape qui est italien, qui est au Vatican, un État à part, depuis les accords du Latran de Mussolini, d'ailleurs. Et cette critique-là, finalement, elle revient même de la bouche des Jacobins, quoi. Vous obéissez à l'étranger, quoi. Donc le patriotisme un peu primaire, on va dire, parce que le patriotisme, c'est une bonne chose, mais bon, il y a des excès comme en tout, surtout dans les choses naturelles. On avait ce contexte-là où il y avait quand même Luther, Charles Quint en lutte contre ça, la bataille de Lépante n'est pas très loin, l'invasion islamique-ottomane. Enfin, c'est vrai qu'on a su faire face, franchement, c'est vraiment la barque du Christ dans la tempête, quoi, avec les apôtres, où vous entendez la phrase « homme de peu de foi », etc., et il calme la tempête, vous savez. Bah, c'était vraiment ça, l'Occident au XVIe siècle, pour l'Église catholique, l'air de rien. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Ce qui est un argument pour nous d'ailleurs, c'est-à-dire que n'importe quelle institution qui aurait été purement naturelle face à ces événements se serait effondrée. L'Église catholique a été protégée parce que c'est la vraie Église. Mais sinon, on ne peut pas se relever du protestantisme, anglicanisme, la bataille de Lépante, enfin, tout un tas de catastrophes qui sont succédées au XVe et XVIe siècle, très violentes. Et non, l'Église catholique reste. Et elle donne le Concile de Trente qui répond à tout ce beau monde d'ailleurs, parce qu'elle répond aux protestants, mais en fait elle répond un peu à toutes les hérésies d'époque, dont celle dont on parle. Et aussi ça va à l'anglicanisme, un petit peu comme la Révolution et tout ça, avec un certain embourgeoisement, une certaine laïcité, puisque évidemment ces gros malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accaparent les biens du clergé. Donc voilà, un peu comme même l'unité italienne, vous savez, je disais, le pape il est pas contre en tant que tel, il était contre à l'époque parce que ça signifiait la perte d'État pour le Saint-Siège, avec les luttes de Garibaldi et tout ça, et de Cavour. Donc, et aussi parce que les patriotes italiens étaient très hostiles aux Autrichiens pour leur unité nationale. Et ça, une nation catholique a du mal à admettre qu'on déteste une nation sœur qui est également catholique. Il faut être un peu plus mesuré quand le pays d'à côté est de la même religion, ce que les Français n'ont pas respecté pour leur souveraineté avec François Ier, puisqu'il s'allie aux Turcs et aux Ottomans. Ouais, pour revenir sur le cas d'Henri VIII, sur la logique en fait, de son comportement, il a commencé en fait par se rebeller contre son devoir naturel. Pour le coup, c'était de respecter son mariage et de rester chaste avec les autres femmes. Donc il a commencé par refuser d'observer cette règle, et on voit comment ça s'est terminé ensuite, comment ça s'est répandu. Mais j'ai trouvé un commentaire intéressant dans cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une femme qui s'appelle Christina Ries, qui est citée dans l'article, qui est une ancienne membre du synode, qui est connue pour militer pour les évêques femmes. Et elle nous dit, la grande question est de savoir si nous croyons vraiment que Dieu pense que les êtres humains de sexe masculin portent son image de manière plus complète et plus précise que les femmes. La réponse est absolument non. L'orgueil, il commence par détester ce qui représente son devoir naturel. Pour Henri VIII, c'était le mariage. Pour une femme, ce qui représente l'ordre naturel, son devoir, c'est l'homme. Si on parcourt la Genèse, la première fois que la femme apparaît, elle est donnée comme adiutorium homini, c'est-à-dire elle existe pour être une aide à l'homme. D'accord ? Donc là, ils sont devoirs naturels. Aujourd'hui, vous parlez à n'importe quelle femme dans la société, elle déteste les hommes. C'est acquis, elle est féministe, elle pense que l'histoire de l'Europe et de l'Église, c'est que l'histoire d'une persécution des hommes contre la femme. En fait, on voit que ce qui les anime vraiment, ces femmes, c'est pas la haine de l'homme, en fait. C'est pas tellement ça. C'est la haine de Dieu. Par la haine de l'homme, qui représente leur devoir naturel voulu par Dieu, elles haïssent Dieu. Non, tu dis juste, c'est sûr. Après, tu as raison d'introduire les femmes un peu dans le sujet. Pour ce qui est de l'anglicanisme aussi, c'est comme ils ont tout retouché à la messe, comme je disais, phase de la messe, si j'ose dire, offertoire, canon, etc. Il y a le Book of Common Prayer, vous pouvez suivre les évolutions en fait anglicanes qui ont été opérées d'une perversité diabolique, parce que là aussi c'est progressivement, et puis on retire un truc, on sabote un machin. On a fait naître une nouvelle religion assez proche du protestantisme, où voilà, on dit pareil, c'est pas le Saint-Sacrifice de la messe, c'est la répétition de la scène, en plus de cette double attaque, donc schisme doublé d'une hérésie, puisque hérésie et schisme avec le pape qui sont combinés là-dedans. Et c'est encore pire donc avec les successeurs d'Henri VIII, comme je disais. Je crois que la dernière victoire, c'était le retour catholique avec Marie Tudor, pour le coup. Là, c'était le dernier sursaut un peu catholique. Il y a eu des révoltes populaires, il y a eu des sursauts, l'air de rien, ils se sont pas tant laissés faire que ça, même s'il y a peu de personnalités qui ont été retenus par l'histoire, comme l'a signalé Elzinko. Et en plus, ça passait mal parce qu'on voulait déjà faire en langue vulgaire aussi, comme les modernistes et les protestants, à une époque où les Anglais ne parlaient pas vraiment la langue anglaise. Donc les gens, ça leur disait pas. C'était vraiment touché au latin et à la messe toujours. Enfin bon, c'est le même souci qu'on a connu avec Vatican II finalement. Hein. Nous déclarons œcuménique ce concile. Vatican II est un concile d'espérance et d'ouverture pour l'Église romaine, y compris dans ses relations avec l'Église d'Angleterre. 4 ans plus tard, pour la première fois, un primat anglican sera reçu à Rome par un pape catholique. Et c'était suivant Vatican II que Michael Ramsey a eu cette réunion historique avec Paul VI. Et la chose même plus intéressante, c'est que depuis cette réunion, chaque archevêque de Canterbury et chaque pape se sont réunis. Et chaque fois qu'ils ont fait ça, nous avons eu une avance dans les relations entre les deux églises. Je trouve d'ailleurs qu'on a eu de la chance, parce qu'avec le gallicanisme, disons que la papauté aurait pu prononcer ce genre d'excommunication. La déclaration du clergé de 1682 en France, par exemple, ça frôle l'hérésie, enfin, on y est quasiment. Et Henri VIII, il avait publié « Défense des sept sacrements contre Luther ». C'est pour vous dire que le personnage était assez spécial, mais bon, voilà, par séduction et... La Anne Boleyn, je crois, on le prononce comme ça, il me semble, voilà, il s'est fait avoir, quoi. Donc, voilà, quand on dit à qui profite le crime, certains disent les juifs, mais des fois, c'est pas les juifs. Des fois, il y a une femme derrière, quoi. Ça change. Oui, enfin, elle a fini décapitée quand même, hein. Il a épousé les idées de la Révolution, il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon ? Oui, il était député à la Constituante, c'était le meilleur copain de Lafayette. Alors, il n'a pas été récompensé pour son courage politique, Robespierre lui a fait couper la tête. Ah, quel bon sens, ce Robespierre. On l'a accusé d'inceste avec son frère, Georges, parce que voilà, elle donnait pas d'héritier mâle en fait à Henri VIII, ça lui plaisait pas. Puis bon, il avait peut-être vu aussi une autre petite, hein, celle d'après, la Jeanne Seymour. Donc bon, ben voilà, elle s'est faite décapiter. Après celle d'après, je crois qu'il est resté un an. Bon, elle lui a donné un héritier mâle, mais voilà, elle est morte assez rapidement. Après celle d'après, il a répudié au bout de 3 mois. Après celle d'après, il a fait décapiter encore. Enfin, c'est juste. Ah ouais, d'accord. Il est spécial, ouais, ouais, comme bonhomme. Hein. Ouais, ouais, mais il est jamais revenu. En fait, il s'est obstiné. En fait, quand tu commets un péché, voilà, bon, au bout d'un moment, il aurait pu se rendre compte, tu vois. Après 2 ans, bah d'ailleurs, avec sa nouvelle femme, avec Anne Boleyn, c'était une catastrophe. Elle lui donnait pas d'enfant mâle. Il aurait pu se dire, voilà, mon mariage est maudit. D'ailleurs, il l'a dit. Mais il aurait pu se dire, j'ai péché. C'est ma faute, je suis coupable, je me repens. C'est un petit peu l'alternative qu'on a, chacun de nous, parce qu'on a tous péché, malheureusement, dans notre vie, à moins qu'on soit la Vierge Marie. Et on se retrouve tous à la croisée des chemins à un moment donné où on a le choix, soit je reconnais ma faute, ça part de là. Hein. Si tu ne reconnais pas ta faute, si tu ne reconnais pas à ton ami que tu... Si tu as violé l'amitié avec lui, tu n'es plus son ami, en fait. Et l'orgueil, en général, il s'obstine. Il refuse de reconnaître qu'il y a une erreur. Et en général, il ne s'arrête pas là. Il dit non, je n'ai pas commis une faute. Ce que j'ai fait, c'était bien. Comme par exemple, l'LGBT, machin. Oui, voilà, ils en sont fiers. Ils font des gay pride. Ils sont fiers d'être en péché. Donc, voilà, à partir de là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution possible, quoi. Et ils sont très fiers de débarquer aux urgences avec un nain de jardin inséré dans le postérieur aussi, parce que je ne sais pas si vous voyez les articles de presse un petit peu là-dessus. C'est drôle ce qui débarque aux urgences des fois. Oui, je précise que Rex nous a envoyé cet article assez sympathique, on a bien rigolé, et la personne en question avait prétendu avoir trébuché. Bah, en fait, il explique qu'il faisait des travaux sur le toit et qu'il est tombé pile dessus. Et il s'est rendu à l'hôpital, et en fait, une petite heure après, c'est l'autre, son partenaire, si j'ose dire, hein, qui s'est rendu à l'hôpital. Donc voilà, c'est vrai que c'est très drôle, ça. Ouais, et donc, si tu refuses de reconnaître ta faute, bon, tu es ridicule par une occasion, parce que tout le monde sait que, voilà, on ne doit pas se mettre à un nain de jardin. Bon, mais. Désolé, Zico, c'est compliqué de rebondir cette histoire d'un nain de jardin, mais. Oui, non, mais parce qu'ils prétendent quand même que c'est bien de faire un truc comme ça, c'est ça le pire. Ils arrivent aux urgences et ils veulent qu'on les applaudisse. Tu vois, si tu leur dis, mais qu'est-ce que tu te fous, un nain de jardin, tu fais n'importe quoi, c'est pas fait pour ça, Tanus. Et tu te finis en tôle si tu dis un truc pareil. Bah bon, parce qu'aujourd'hui, mais l'homosexuel qui se repent pas, il attend de toi ce genre de parole. Si tu reconnais pas ta faute, que tu dis que c'est quelque chose de bien, voire un devoir, comme Henri VIII, hein, pour lui, divorcer, coucher avec Anne Boleyn, d'un coup, c'est un devoir. Mais en fait, c'est du coup, le coupable, c'est qui ? Il y a quand même un coupable dans l'histoire. Le coupable, c'est l'ordre naturel. Le coupable, c'est le mariage. Le coupable, ben c'est qui ? C'est l'auteur de l'ordre naturel. C'est Dieu. D'accord, ben je vais partir. Et du coup, tu pars en croisade contre la société traditionnelle, ou contre la société surnaturelle, contre l'Église, contre sa tête visible, contre le pape. Et tu veux être à sa place. D'accord ? Et c'est ce qu'il a fait, c'est concrètement ce qu'il a fait. Je veux dire, il y a un principe très puissant de subversion dans la corruption des mœurs. C'est-à-dire, si tu commences à faire des choses comme ça, tout de suite, ça ne reste pas dans ta sphère personnelle. Tu vois, ça se propage à la société, ça se propage à la religion. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas très bien compris dans notre camp, que ces trois éléments-là sont liés. Par contre, dans le camp d'en face, je ne vais pas les nommer, hein, les juifs, bon, tu pourras couper. Ou... Non, non. Ah, ils l'ont très bien compris. Un juif, c'est un traître, en plus il vient d'Alsace. Ah, les juifs. Ah, ils l'ont très bien compris. On parlait la dernière fois, on avait parlé du planning familial, on avait mentionné William Reich, qui était le grand théoricien de la révolution sexuelle des années 60. Il vivait dans les années 30, mais bon, en gros, lui, sa théorie, c'était bon, ça sert à rien d'aller dans les séminaires et de dire aux prêtres que Dieu n'existe pas, on s'en fout de ça. Ce qu'il faut faire, c'est faut que le séminariste, il se masturbe. Si le séminariste, il se masturbe, il ne priera plus. S'il ne prie plus, voilà, et après on s'enchaîne, on passe des mœurs à la politique, à la religion. Ça, ils l'ont très bien compris. Tu sais, tu crois pas si bien dire, je me souviens d'un prêtre qui a osé à un moment donné nous dire dans les milieux de tradition que ça faisait des ravages chez les séminaristes, la pornographie, hein, je parle. Donc c'est intéressant, hein, ouais, c'est que voilà, il y a une génération un peu sacrifiée là avec cette technologie et ces sites pourris qui ont été mis en place. Et aussi, j'allais dire, cette libération sexuelle peut aussi bien se conformer avec le cosmopolitisme. Ça aurait été beaucoup plus difficile d'imposer les deux sans la libération sexuelle, puisque voilà, c'est pas juste, excusez-moi du terme, de la baise récréative. Là, si on se marie, qu'il y a des mœurs chrétiennes et tout ça, ça n'est pas du tout comme une union libre. On signifie au père de sa femme qu'on l'a choisi. Il y a un peu un choc des deux familles, etc. Et je vois même des femmes blanches qui sont sorties avec des métèques dire que jamais elles les auraient présentées à leurs parents. Et le jour où elles se marient un peu trop tard, vers les 30 ans, etc., elles vont se marier avec un blanc, quoi. Et c'est vrai que ça, cette libération sexuelle aussi a bien accéléré à fond ce qui peut être relevé du métissage ou des choses comme ça. Parce qu'autrement, il y aurait eu des socles familiaux qui auraient pu un peu réguler toutes ces choses. Bah, Bobby, tu sais qui... Tu peux me nommer les inventeurs du jean ? Du jean ? Ouais, question à tous les deux. Lévi et tout ça, enfin, ça se passe dans la communauté, quoi. C'est... Bah, Lévi, il y a un prénom. Oui, Lévi, le nom de famille de Lévi, c'était quoi ? Bah, c'est la marque Lévis, tu penses à ça ou autre chose ? Pensez à ça, ouais. C'est le nom des inventeurs. En fait, on a le premier, il s'appelle Lévi Strauss. Alors là, cher Lévi ! Cher Lévi ! Et le deuxième, c'est Jacob Davis. Ouais, des Français, quoi. Comme vous et moi. C'est français, la France. Je le verrai voir ma Normandie. Die, die, die, die, die, die, die, die. Non, Samuel, pas die, die, die, die, si Francie, Francie, la France. Je le verrai voir ma Normandie. C'est le pays qu'il m'a donné les choux. Donc, les Juifs, ils ont bien compris, d'accord ? Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les femmes, et même des femmes... Même dans la tradition, là, tout à l'heure, j'étais à l'église pour la fête de la glorieuse Assomption de la Vierge Marie. Et devant moi, ben, j'avais une jeune femme. Ben, déjà, elle n'avait pas de voile. Donc, elle avait tous ses cheveux blonds qu'elle manipulait comme ça. Et elle était en jean. Moi, je trouve ça fascinant, en fait, toutes ces femmes qui se veulent libérer, machin, qui ne veulent pas servir l'homme, ne veulent pas être adiutorio homini, mais qui sont esclaves de Lévi Strauss et Jacob Davis. Elles veulent être des petites idoles, tu vois, c'est d'où l'inversion, c'est-à-dire elles sont censées être les servir l'homme, être une aide, et il n'y a aucun caractère abject, parce que l'écriture parle de ne former qu'une seule chair, c'est pas servile, mais non, ça leur plaît pas, et elles veulent devenir les déesses des hommes, en fait, c'est-à-dire, elles veulent être adorées, elles veulent être idolâtrées, et par quoi ? C'est pas par leur intelligence, par leur capacité de faire échec et mat en trois coups, non, par leur, voilà. On a compris comment. Pour revenir un petit peu sur l'anglicanisme, il y a une véritable spoliation vis-à-vis des biens du clergé, comme je disais. Et c'est même le début, la naissance du capitalisme anglais moderne. Donc quand je parlais vraiment d'embourgeoisement, c'était pas une blague. Les Anglais ont vécu cette phase bien avant nous, en fait. Phase de laquelle on n'est pas du tout sorti, quoi. Et ensuite, les lignées qui succèdent, bah, elles ne font que, entre guillemets, protéger leurs acquis. Et là, par ce biais-là, elles empêchent un retour au catholicisme. Donc d'où les révoltes voilà, qui sont Henri VIII ou qui ont succédé. Hein. Même Élisabeth Ier, c'est celle qui oblige tous les Anglais à se rendre au culte anglais le dimanche. C'est un traître à la patrie, celui qui ne va pas au culte anglican le dimanche. À partir de là, donc là, c'est très violent. Et imaginez, Élisabeth II a choisi son nom en référence à celle-ci. Quoi, hein. Donc, c'est quelque chose. Et ils singent d'ailleurs beaucoup, énormément. Bien sûr, ils ont leur spécificité, mais ils singent énormément la... Les rites catholiques, ils essayent de les imiter, mais en même temps, ils montrent une petite différence. Voilà, en fait, ça, tout ça est très confus. C'est tellement confus oui, que la dernière fois que je me suis rendu à Londres, c'était il y a à peu près 5 ans. J'aime beaucoup cette ville. Et je m'étais rendu dans la cathédrale Saint-Paul, qui est au cœur de Londres. Donc, de l'extérieur, elle est magnifique, cette cathédrale-là. Et en fait, c'était une sorte de voyage rush. J'avais pas beaucoup le temps. Et donc, je me rends dans la cathédrale et je vois que dans l'architecture de la cathédrale, je me dis, oh, il y a un truc qui est louche, c'est bizarre. Et je savais pas trop comment le définir. Et après, j'ai vu de loin un prêtre en soutane sortir d'un, ce qui semble être un confessionnal. Et avant de me rendre compte qu'en fait, c'était une femme. Et là, j'ai compris, oh, en fait, c'est des Anglicans. J'ai regardé vite fait sur Internet. Et en fait, tout était fait pour noyer le poisson. Bon, je suis quand même resté parce que d'un point de vue architectural, ça vaut le coup d'œil. On peut aller au sommet et puis tu vois l'ensemble de la ville de Londres sur le toit de la cathédrale, c'est quand même sympa à voir. Mais voilà, je m'étais fait avoir. Et après, bah, en fait, oui, ils ont modifié de façon perverse la messe, mais au bout du bout, ça ne ressemble plus à rien. Et exactement comme protestants et modernistes, on remplace les autels et les ornements par la table de repassage. Donc ça, c'est un classique. Et moi, j'ai envie de dire que c'est... très malheureux pour l'Angleterre qui, bon, certes, souvent, quand on est bon, français, européen, continentaux, on a tendance à dire c'est une île à part, ils se sentent à part, ce qui n'est pas totalement faux, et donc ce ne sont pas des Européens, mais en vrai, non, ils font quand même partie de l'espace civilisationnel européen, et moi je trouve ça malheureux pour eux, en sachant que le couleur de leur drapeau, c'est quand même le couleur de la résurrection du Christ, hein, la croix rouge avec le fond blanc. Dès que je vois une représentation picturale dans une église ou quoi, du Christ avec la résurrection, à chaque fois, je fais la blague de « Ah tiens, mais pourquoi le Christ, il a le drapeau anglais ?» quoi. Bah, en fait, ils l'ont repris de là. Quoi. Donc, je trouve ça malheureux, en plus, pour une patrie qui ressemble pas mal aux Français. Les Français ont des préjugés sur les Anglais et les Anglais ont des préjugés sur les Français. Ça est sensiblement les mêmes, comme quoi, finalement, ces deux peuples se ressemblent pas mal. Et tu as même des points d'achoppement, des points de rapprochement avec notre histoire, puisque tu as les mythes arthuriens, par exemple. Tu as Guillaume le Conquérant avec la Normandie et l'Angleterre. Il y a Henri II de Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine. Voilà, les troubadours du Midi, ça fait toute une culture quand même, un espace civilisationnel franco-anglais qui n'est pas si éloigné, en sachant qu'il parle même une langue qui est un peu bâtarde de la nôtre, d'une certaine façon. Donc voilà, moi j'allais ajouter ça en sachant que bah, même ils, voilà, comme bonne chose, ils ont pu même, c'est la patrie de l'élégance vestimentaire par exemple, dans tout ce qui est costume et tout ça, je veux dire, la mode italienne est très connue, mais plus particulière, et c'est plus pour des gens qui s'habillent l'été, quoi, alors que là c'est vraiment quelque chose d'universel à un point où, genre, ils ont tellement canonisé les bons vêtements, l'aristocratie d'époque, que genre même les, je sais pas, un asiatique d'affaires qui a un haut poste, qui est un peu cultivé, va s'habiller comme ça, quoi. Donc ils ont été d'une certaine façon très puissants et minables, quoi. Et dans l'histoire, alors moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des grandes découvertes. J'avais déjà parlé de Christophe Colomb dans l'émission précédente. En termes de navigation, on pourrait se dire quels sont les grands peuples comme ça qui ont émergé et qui ont apporté des grandes inventions en termes de navigation. On pourrait penser aux Vikings ou je ne sais pas qui. En fait, pas du tout. Si vous voulez résumer, environ 90% des grandes inventions dans le domaine de la navigation sont les Portugais et les Britanniques. Il y a le musée de la mer à Lisbonne qui... D'ailleurs, si vous allez à Lisbonne, il faut absolument voir ce musée. Moi, je ne suis pas très musée, mais alors celui-là, il est absolument incontournable. C'est fascinant. Vous voyez toutes les inventions des Portugais, en fait, sous le roi Manuel Ier. Qui, en fait, ils ont inventé plein de trucs, et les Anglais, d'ailleurs, ont continué, et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est pas un hasard, en fait, finalement, si les États-Unis, aujourd'hui, ils parlent la langue anglaise. Voilà, c'est pas un accident. Il y a eu tout un tas de relations de cause à effet qui ont généré cette conséquence-là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce qu'on est quand même dans une émission religieuse. Il y avait une représentation qui m'avait frappé de Saint François Xavier lorsqu'il partait en navigation pour évangéliser à peu près tout le monde. Il y avait des annotations en langue anglaise qui étaient inscrites, et à chaque fois il précisait que un truc qui m'a frappé, c'est que les prêtres ne savaient pas nager. Les prêtres, ils partaient comme ça à l'autre bout du monde, quasiment tous les missionnaires, et ils ne savaient pas nager. D'ailleurs, en fait, il y avait beaucoup de gens, le peuple en général, ne savait pas nager ou très mal nager. Il y avait juste les marins professionnels qui savaient nager. Et ça les embarrassait pas, pour une simple raison, c'est que lorsqu'ils se lançaient sur les embarcations, chaque embarcation avait au moins deux prêtres. Comme ça, un prêtre pouvait se confesser à l'autre. Et donc, en cas de risque de mort, ils pouvaient se confesser l'un à l'autre, et il n'y avait pas de souci. Et la seule demande des marins, c'était la présence des deux prêtres. Sinon, de toute façon, les marins ne partaient pas. Voilà. Donc c'était quand même assez courageux de voir tous ces gens qui partaient comme ça sur des embarcations de fortune dans des océans pas très toujours accueillants pour des voyages qui duraient plusieurs mois avec une chance sur trois d'en revenir vivant. Ils partaient sans savoir nager. Après, je voulais juste ajouter deux choses sur l'Angleterre. Tout ce que vous avez dit est vrai concernant la ressemblance avec notre propre peuple et leurs accomplissements historiques. Mais il faut voir quand même deux choses. La première, c'est qu'ils ont toujours voulu jouer un rôle plus important que leur rôle naturel en Europe. C'est-à-dire ils ont voulu être trop puissants, donc ils ont causé énormément de troubles en France, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec l'Allemagne. Et la seconde chose, c'est que ça a toujours été malheureusement le réceptacle de la juiverie. Rex, tout à l'heure, disait avec justice que c'était un petit peu le début du capitalisme à cette époque-là. Mais on a vu aussi, avant qu'il arrive, que les marchands, les vendeurs, étaient déjà aux premières places à ce moment-là, notamment dans la cité de Londres. Donc, malheureusement, c'est triste à dire, hein, mais l'Angleterre, le monde anglo-saxon de manière plus large, se fait le vecteur de la synagogue de Satan dans le monde. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, on peut trouver dommage que la papauté et Pie XII ne s'en soit pas suffisamment méfiée. Le communisme, enfin, je parle de la Seconde Guerre mondiale, hein, le communisme avait été déclaré intrinsèquement pervers par l'Église. Les catholiques aux États-Unis se faisaient scrupule de devenir soldats et d'aller faire la guerre à l'Allemagne, sachant que ça allait bénéficier aux communistes. Et malheureusement, il y a eu une autorisation qui a été donnée. On voit pour quel résultat aujourd'hui pour l'Europe et pour le monde. Non, tu fais bien, chacun à sa place, un peu à l'échelle d'un individu comme d'une nation. Je ne sais plus le nom du moine, mais il y a une phrase bien connue aussi qui disait, voilà, à l'Allemagne l'empereur, à la France l'université. Voilà, l'essor de l'enseignement, tout ça, et l'Italie, la papauté, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que chaque nation a un destin dans l'universel, comme disait José Antonio de Primo de Rivera, et donc, il faut savoir s'y tenir, et parfois, laisser la place, peut-être, à une nation qui est plus à même d'accomplir quelque chose mieux que nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne restera pas droit dans nos bottes, on ne conservera pas notre identité, etc., mais... Voilà, il faut une juste reconnaissance des choses à l'intérieur d'une même nation et même ensuite sur l'ordre international, si l'on veut, dans un second temps, dans les deux cas, on va dire. Et après, donc, tu as raison sur la note négative de l'Angleterre qui interfère un peu trop. Je voulais rester un petit peu sur ma note positive aussi sur les mythes arthuriens, que je trouve excellent pour la mentalité européenne. Je trouve ça même très fasciste d'une certaine façon, puisque dans le roman d'Arthur, pour employer une ancienne formule, comme on dit le roman des rois, vous savez, il est utilisé par les rois anglais pour asseoir un peu leur légitimité. C'est un peu l'image du roi parfait, les chevaliers les plus vertueux, donc c'est un peu la culture de l'honnête homme. Ils sont cultivés, énergiques, courtois, vertueux, je l'ai dit. Il y a toute une série de petits personnages comme ça qui ont alimenté des mythes européens et une culture qui nous est commune. Des Celtes aux Anglais, même les Allemands ont repris. Vous avez l'opéra de Richard Wagner qui a repris les mythes arthuriens un petit peu à son compte. C'est un peu 11e, 12e siècle, il faut lire surtout Chrétien de Troyes. Et ensuite, il y a les synthèses qui viennent après, au 15e siècle. Bon, finalement, la table ronde dégénère et ça ne ressemble plus à grand-chose parce que, voilà, comme une apothéose, il faut bien mourir à un moment donné, en quelque sorte. Le Arthur, d'ailleurs, est un vrai roi, mais qui a combattu, qui est mort à la guerre, anglo-romain, je crois que c'est du 6e siècle, ou dans ces eaux-là en tout cas. Et après, bien sûr, il y a toute une figure mythifiée. Et pourquoi je disais ça allait bien avec le fascisme, non seulement la civilisation européenne, mais en plus, cette table n'est pas rectangulaire, elle est ronde, ce qui fait que l'aristocratie, en fait, est égale en quelque sorte. Certes, il y a le roi, c'est lui chef, mais en même temps, la table est ronde et les chevaliers sont tellement vertueux, travaillent tellement au bien, finalement, que voilà, c'est l'aristocratie un peu décentralisée, quoi. On avait besoin de respirer en Europe, le centralisme monarchique des fois nous faisait vivre difficilement, donc la noblesse avait besoin d'un petit peu de ça, et je trouve que c'est en même temps très européen et très vertueux comme référence, et ça on la partage un petit peu tous entre Européens, mais beaucoup les Français et les Anglais, j'ai envie de dire. C'est marrant que tu parles de ça, parce que là je lisais un livre d'Alphonse de Chateaubriand, La réponse du Seigneur, et il parlait justement du mythe du Graal, en fait, et de ces ouvrages qui ont été composés au XIe et au XIIe siècle, et il disait que l'Occident, en fait, mourait de ne plus se replonger dans cet idéal, parce que c'est attaché à nos fibres, évidemment, mais l'idéal du Graal, c'est l'idéal de la déiformation de l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme qui vise au Christ et qui le contemple par la même occasion. Et en contemplant, on devient, comme un peu les papillons qui, à force de rester sur une feuille, se transforment en la feuille, parce qu'il la contemple, parce qu'il la regarde, entre guillemets, en contemplant le Christ, et même à travers ses mythes un petit peu, qui voilà, bon, il n'y a pas tout qui est vrai, mais l'Occident tend vers le Christ et se sanctifie sur le plan personnel, et après, tout comme on l'a vu, avec, ça peut le faire pour le mal, mais ça peut le faire pour le bien aussi, tout rejaillit sur la société et sur la religion, donc tu fais bien de rappeler, c'est toujours d'actualité. Exactement, après il y a bien sûr des imperfections parce que comme je disais, bon, la fin de table ronde dégénère, il y a un peu trop d'histoires d'inceste ou des petits trucs comme ça et certains reprocheront peut-être des fois un petit ésotérisme parce que après le Chrétien de Troyes, je trouve pas ça choquant, mais voilà, ils veulent faire rêver un peu, donc il y a un peu de l'imagerie, on va au fin fond des bois, on trouve une petite chapelle verte avec des prodiges et tout ça, donc c'est vrai que quelquefois les clercs n'aiment pas trop ça, disons, mais cela dit, ça a alimenté toute l'histoire européenne, et au XIIIe siècle, bah, comme il y a les croisades, voilà, là on a en plus on a les trouvères, donc les troubadours du nord de la France, qui alimentent les champs comme ça, en ce sens où on est un croisé, voilà, on sert le Christ, il faut faire de grands combats glorieux pour mériter sa femme. Il y a des petites choses comme ça, quoi. Et ça, c'est de la culture européenne à 101%, quoi. C'est clair et net, hein. Donc, il faut le mettre sur le devant de la scène. Ouais, alors tu me tends une perche énorme, Rex, parce que moi, quand j'entends ça, je pense direct au Seigneur des Anneaux. Et donc, puisqu'on est en train de rendre hommage à l'Angleterre, bah, allons-y très clairement, quoi. Tolkien, qui était un auteur anglais, qui a fait le Seigneur des Anneaux, donc il y a moi je l'ai vu le Seigneur des Anneaux en bouquin, c'est un volume, hein. C'est un pavé, attention, je suis bien content qu'ils aient fait une adaptation cinématographique, qui d'ailleurs est excellente, j'ai encore revu il y a pas très longtemps, ça se revoit et ça se revoit, c'est fantastique ce qu'ils ont fait, je me serais jamais attaqué au bouquin en lui-même, même en langue française, parce que c'est beaucoup trop. Tolkien, il est pas seulement connu pour avoir fait cette histoire-là, en fait, il est aussi connu pour avoir lié une amitié avec C.S. Lewis, je ne sais pas si vous connaissez. Ces deux auteurs anglais, en fait, ils ont fait un travail énorme en termes d'apologétique. En 1926, à Oxford, il y a deux personnes, deux brillants professeurs qui se sont rencontrés, qui discutaient avec d'autres sur des mythes et légendes fantastiques. Il y avait celui-là, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Bon, c'est Tolkien. Donc Tolkien, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça a été le plus grand succès de librairie après la Bible. 150 millions de livres vendus. 4 milliards au box-office, il a fait 3 films dont, parmi les 10 plus vus de tous les temps à Hollywood, il y a 3 de ses films, enfin 3 films qui viennent de lui. Et il y a une autre personne qui discute avec lui, vous savez pas qui c'est, il s'appelle Lewis, voilà, c'est le fondateur du monde de Narnia qui lui aussi a fait un peu moins, 100 millions de livres vendus, 1,5 milliard au box-office, donc c'est voilà, c'est deux sommités, deux personnes vraiment intelligentes et douées. Lui était chrétien et lui était athée. Quand ils se sont rencontrés, Tolkien a dit, parmi tous les mythes existants, parmi toutes les belles histoires du monde, il y en a une qui est spéciale, c'est le mythe chrétien, parce que lui, il est vrai. Alors, Lewis lui a dit, attends, tu plaisantes, tu peux pas, toi, une personne intelligente, tu peux pas croire un truc pareil. Et ils ont discuté pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, Lewis s'est converti, il est devenu un des plus grands apologètes, c'est-à-dire apologétique, ça veut dire la science des raisons de croire. Donc Lewis est devenu un des plus actifs défenseurs des raisons de croire dans le monde anglophone. Encore une fois, je reviens encore aux États-Unis. Alors d'accord, ok, les Américains sont protestants, mais s'ils ont quand même une culture chrétienne majoritaire, c'est grâce à ces deux personnages. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de gens qui sont passés un peu à côté du sens du film et qui n'ont pas vu les liens directs avec la Bible. Ça, c'est pareil, c'est dommage. Le combat contre le bien et le mal, si vous ne mettez pas la Bible à coller au Seigneur des Anneaux, vous avez manqué une partie du message. Il y a aussi le monde de Narnia, que lui, par contre, qui est plus abordable en termes de volume. Ça reste quand même un pavé, mais celui-là, il est abordable et très bien écrit, avec des bonnes traductions en français, ce que j'ai sous la main, je vous le recommande. Ils ont fait une adaptation cinématographique, je crois que c'était Disney. J'ai vu une partie où la plupart des gens, quand ils ont vu cette adaptation, pareil, ils n'ont pas compris. Là, par contre, c'est vraiment le message de la Bible, c'est au cœur du monde de Narnia. Si vous ne comprenez pas qu'il y a un lien direct entre les deux, que le personnage, le fameux personnage du lion, qui est courageux, loyal, qui est bon, en fait, c'est le Christ, vous passez complètement à côté du message du film. Ouais, exactement, tu fais bien pour parler de Tolkien, qui a réussi à créer tout un univers impressionnant. Tu peux faire un petit peu jeu vidéo comme ça, mais pareil, il se nourrit quand même de notre culture, l'air de rien. En plus, il était catholique et a eu quelques oppositions à Vatican II, puisque quand ils ont traduit la messe en anglais, ils répondaient en latin à voix haute en pleine messe, etc. Donc, et cum spiritu tuo, voilà, devant l'assemblée, en criant bien. Donc, il y a quelques petits faits d'armes sympathiques. Et ce qui est amusant avec le Seigneur des Anneaux, c'est comme il y a des petits monstres, entre guillemets, des races ici ou là, c'est le seul truc où on peut faire des films bien vus, bien connus, bien remarqué, qui plaît à tout le monde et qui pourtant sont des espèces de guerres raciales, voilà, les guerres raciales conformes, quoi, ça va. Alors, pareil, on a parlé de parodie au tout début d'émission avec les Inco en disant, ah, bah, finalement, les Anglicans, quand ils délirent, bientôt ils vont nous dire, on ne dira plus notre père, bah là, ils le font. On faisait la même chose pour le Seigneur des Anneaux, je me souviens d'articles parodiques qui étaient sortis en disant, ah, bah finalement, les orcs, ils sont discriminés, en plus, c'est raciste, etc. Eh ben, la nouvelle série Amazon a pris ça au pied de la lettre. Ils ont fait une série Le Seigneur des Anneaux avec des métèques partout, et pour bien montrer que finalement, c'est pas une histoire de race et tout. Alors, c'est très simple. Le Seigneur des Anneaux, s'il n'y a pas un conflit entre les différentes races, les orques, les nains, ce que vous voulez, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de sens, ça vaut rien. C'est ça, tu as la grosse guerre raciale et tout le monde aime. Voilà, il y a juste les gauchistes qui disent non, mais c'est pas ça, en fait, c'est quand même ça, mais c'est pas grave. Oui, il y a même des races qui naissent dans la boue. Tu veux dire dans la vraie vie ou... Oui, il y a des larves, des moustiques, c'est plutôt des insectes. Mais oui, dans le Seigneur des Anneaux, oui, c'est les orques. On les voit d'ailleurs naître. Ça fait... Moi, et les orques d'ailleurs qui sont un peu, sont un peu titillés. Les orques, ils veulent se battre, d'accord, ils veulent aller à la guerre, mais ils sont vraiment titillés par des gobelins, tu vois, qui les poussent vraiment dans la bataille. Des gobelins qui sont un peu chétif, avec un grand nez, ça me fait penser. Bon, bref. Tout ça, c'est de la faute des Juifs. Oui, c'est un peu qu'il y a un petit peu la même race dans Harry Potter, là, qui s'occupe des banquiers, là. Ouais, d'ailleurs, qui ont aussi un pif pas possible et qui nous font penser. Je vois pas de quoi tu parles. C'est un meilleur habit. Rappelez aussi l'existence d'un film qui s'appelle sur l'histoire de Thomas More qui s'est fait trancher la tête pour avoir refusé de reconnaître Henri VIII comme le pape, qui s'appelle Un homme pour l'éternité. Donc c'est vraiment un très bon film, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'avais vu à l'époque, je ne sais même pas si j'étais catholique d'ailleurs, j'avais trouvé ça très bien filmé, les décors, les costumes, non, c'est vraiment, voilà, donc je le conseille. Il y a Rex qui m'envoie un privé, un article du site Au Féminin, dont le titre est « Éric Zemmour, pourquoi le comparer à Gargamel est problématique ?» Non mais Gargamel, franchement, voilà, c'est la même chose, quoi. D'ailleurs, son chat, il s'appelle pas Israël, ah non, Azrael, pardon, pas pour moi. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Bah oui, vu ce que vous disiez, ça m'a inspiré ça. Je pense qu'il y a d'autres références encore avec Tintin mon copain et De Grel et tout ça, mais voilà, on en envoyait pas mal, là. Pour clore cette histoire d'Anglican, je sais pas si les fidèles anglicans vont vraiment suivre à nouveau cette secte-là, parce qu'ils sont vraiment partis très très loin. C'est devenu un nid, finalement, de gauchistes, d'homosexuels, de subjectivistes, de femmes, d'ailleurs, donc... Si vous voulez tuer un mouvement, c'est très simple, vous mettez des femmes à la tête et puis normalement le mouvement il meurt dans les quelques années qui suivent. L'histoire du fameux Dieu est pédé là que je vous avais dit de discours dans la cérémonie protestante annuelle, c'est très simple, il y a 25% des fidèles protestants qui sont partis de la secte protestante allemande cette année. Voilà, 25% en moins. Et concernant les anglicans, Récemment, il y a un évêque anglican qui est servait dans le Pays de Galles qui a décidé de partir finalement de la secte anglicane et de rejoindre l'Église catholique. Alors, je précise, il rejoint les modernistes, d'accord, donc peut mieux faire. Mais voilà, il y a quand même un pas qui est fait. Je pense qu'en termes de fidèles aussi, les gens peuvent, on peut pas leur dire comme ça, on va changer de notre père et puis il y a pas de conséquences, quoi. Les fidèles sont pas fous non plus. Je sais bien que c'est des suiveurs, mais là, ça va quand même très, très, très loin. Et d'ailleurs, cet article-là, quand on le lit, il a dit un peu plus que ça, parce qu'il fait un truc transgenre et un peu Black Lives Matter, si vous voulez. Et ce qui fait qu'il dit « Nous accueillons les gens dans des ports sûrs, des espaces plus sûrs pour tous, etc. » C'est l'accueil des migrants. Et donc moi, ça m'a juste inspiré en lisant ça, de dire « Bah en fait, ouais, les ports sont sûrs, et ils accueillent les migrants, et puis après, bah ils sont plus sûrs. Ouais, » c'est un peu la zone, quoi. C'est un peu la jungle, après. On va faire une très courte pause musicale avec une musique qui rend bien zinzin et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Oremus et nous allons enchaîner sur un sujet tout à fait d'actualité, tout à fait sérieux. On ne pouvait pas ne pas en parler. C'est bien sûr la demande de dissolution de Civitas par le ministre de l'Intérieur, Moussa Darmanin, voilà, de son vrai nom, Moussa Darmanin, suite à des propos tenus dans une convention d'été par un des participants chroniqueurs et aussi, conférencier Pierre Hillard, bien connu de nos milieux, que nous allons écouter tout de suite. D'ailleurs, on va écouter les propos de Pierre Hillard, ça dure une petite minute. 1791, vous avez eu un événement, 1791, la naturalisation des Juifs. Avant 1789, un Juif, un musulman, un bouddhiste, etc., ne pouvait pas devenir français. Pourquoi ? Parce que c'était des hérétiques. Et la naturalisation des Juifs en 1791 ouvre la porte à l'immigration. Parce qu'à partir du moment où vous donnez la nationalité française aux Juifs, tôt ou tard, on ne pouvait pas la refuser aux bouddhistes, on ne pouvait pas la refuser aux musulmans, etc. Lorsqu'Éric Zemmour critique avec justesse l'invasion migratoire, il oublie de dire quand même que ce sont ces corps religionnaires qui ont ouvert les portes de l'immigration. Et évidemment, si on rétablit les lois de catholicité, et qu'on fait du catholicisme traditionnel religion d'État, peut-être faudrait-il retrouver la situation d'avant 1789. Voilà, donc Pierre Hillard dit un peu trois petites piques sur le peuple intouchable. Ça n'a pas plu donc au ministère de l'Intérieur, qui demande donc tout simplement la dissolution du groupe Civitas. Voilà, il y a un élément du groupe Civitas qui dit un truc un petit peu olé olé. On va dissoudre tout le groupe, voilà, que complètement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'était un petit propos d'un conférencier qui, une conférence complète, mais un tout petit passage d'un conférencier qui n'est pas spécialement adhérent de l'association, mais qui avait été invité à cette université d'été qui, je crois, a duré 3 jours et avait accueilli une petite dizaine de conférences. Donc évidemment, de 2 heures de vidéo, certains ont bloqué sur le petit passage où, en effet, ça parle de déchoir les Juifs de la nationalité française. Alors moi, j'ai un scoop sur ça. Je connais quelqu'un qui est membre de Civitas, mais il m'a dit comment ça se passait, en fait, normalement, dans Civitas. Donc, bon, ils sont au courant pour les Juifs, etc. Mais, en fait, le mot d'ordre, c'est de jamais en parler, en tout cas, publiquement. Et pas que ce soit répercuté sur leurs réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ce genre de conférence avec Pierre Hillard, normalement, la vidéo officielle, elle est censurée après. Et là, c'est un mec qui a filmé avec son téléphone et qui l'a mis sur les réseaux sociaux, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Here comes a new challenger. Je précise que Longinus, comme promis, nous a rejoint. Longinus, comment ça va ? Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque mois. Et je vais très bien, il fait très beau et très chaud ici. Ah. Magnifique, un vrai été. Ah bah, content qu'il fasse beau Tel Aviv. Ouais, on est en train de parler un peu de Civitas là, c'est chaud. Justement, le pays de l'huile, les gens du pays de l'huile ne sont pas contents envers Civitas. Ah oui, là il y a un lien direct. Hein. En fait, on a l'impression que maintenant ils ne s'embêtent plus. Hein. N'importe quel groupe qui est un petit peu à la droite du Front National ou du Parti de la France, on va dire, dissolution, voilà, comme ça c'est réglé. Pour rien du tout. C'est très simple, hein. Dès que tu dis quelque chose sur les Juifs, tout d'un coup, t'as un Terminator qui arrive pour te terminer. Son ami Dieudonné a été censuré, nous dit-il, car les médias seraient manipulés par les partisans d'Israël. On cherche, un, à obtenir de la part des gens qui sont dans les médias un soutien inconditionnel à Israël. Donc tout, je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. Si t'es anti-sioniste, si t'es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, hein, c'est clair. Hein. Je veux dire, si tu veux vérifier par ailleurs, d'ailleurs tout le monde le sait. Hein, je veux dire, les mecs, c'est pour ça qu'ils bougent pas sur le sujet parce qu'ils disent comment je vais manger demain, tu vois. C'est comme ça que distribuent les boulots, tu vois. On va voir. Non mais je te préviens déjà, tu vois. Séisme, ouais, il y a un séisme. Alors que tous ces raves, vous savez, un peu anti-blanc, anti-chrétien qui sévissent partout et tout sur YouTube, ça va, ils sont pas trop inquiétés. Hein, c'est la liberté d'expression là. Ça. Dédicace à Raf Twitou. Entre autres. Hein, On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Pourquoi Dafka est en France si on sait que c'est un pays qui pourrit ? On est bien d'accord, très bien. Quand on cherche des diamants, on les cherche où ? Dans la boue. La France a beaucoup de choses à livrer. Parce que la France a toujours été entourée des plus grands de l'histoire juive. C'est unique au monde, la France. Prenons un peu les forces du mal de la France. Pourquoi tu prends un titre de la France ? Parce que c'est le pays de la znout. C'est le pays de l'hypocrisie et le pays de la znout. Particulièrement, que la France, selon la Kabbale, selon ce qu'on vient de dire ici, c'est le pays du Hatzada Tov Vara. De là-bas peut sortir le meilleur Rachid, les balais de Safo, tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais peuvent sortir aussi les plus grandes pourritures de l'histoire de l'humanité, ceux qui nous ont vendus facilement pour un sourire ou tout simplement pour prendre notre or, nos trésors, nos appartements, Et il n'y a pas mieux que le peuple français pour agir de la sorte. Il n'y a pas mieux que pour ça. Pour, simplement pas pour les Juifs, hein, même pour ce qu'ils font pour leur populace française. Pensez à vos enfants, français, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils sont vendus par eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'Arabes pour vous prendre le territoire. Les Arabes, ils le disent, pourquoi ne pas violer un pays qui s'offre à nous? Pourquoi ne pas le prendre? On n'a même pas besoin de se battre, ils nous épousent tout seuls. Voilà la France. Cette France aujourd'hui qui a retiré sa robe vient démontrer absolument sa nature, celle du Etzada Tov Vara. Donc toi, tu vois la France, tu vois le port. Bien fait, péage, bien fait, méod, donc port, hypocrisie aussi. C'est vrai qu'il est le symbole de l'hypocrisie, le port en France. Mais l'islam s'occupe de le sortir de la France. Pour ceux qui ont entendu ce chiour, je leur conseille vivement de quitter ce pays d'hypocrites pour venir dans un pays où, par contre, la vérité saute aux yeux, c'est le pays d'Israël. Maintenant, nous avons fini en France, c'est fini. Il faut venir maintenant, il faut venir ici. Préparez-vous vite à partir avant qu'on vous mette dehors. Parce que le drame, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez encore peut-être vendre vos biens. Demain, je ne suis pas sûr. Ce qui est intéressant, en fait, avec le truc de Civitas, c'est qu'on, comme disait les Inco, c'est vraiment tiré d'une conférence qui était privée, donc pas publiée sur Internet. C'est quelqu'un qui a pris son téléphone, qui a filmé, qui l'a mis disponible. Et bien sûr, les associations juives, comme elles ont fait, en fait, pour Hervé Ryssen, on cherchait juste le petit passage qui leur va bien. Pouf, on va au tribunal et au passage, on va vous dissoudre dans l'acide votre association et tout ce qui va avec. Sachant que Darmanin, aujourd'hui, il ne sert plus vraiment à grand-chose, à part dissoudre des associations nationalistes. C'est vrai que les catholiques sont un danger public et que c'est nous qui avons causé 2 milliards de dégâts pendant les émeutes. Hein. C'est pratique, parce qu'il suffit qu'un élément du groupe fasse une petite bêtise, d'ailleurs, entre nous. Hein. Pierre Hillard, je trouve qu'il n'a pas été hyper loin non plus. Hein. Moi, je sais que je serais bien plus lâché, mais bon, c'est déjà trop. Alors, si c'est ça, Laetitia Avia, là, vous vous souvenez, là, cette très très belle femme du groupe Renaissance, La République En Marche, qui avait mordu un taxi. Bon, elle mord un taxi, c'est quand même grave comme truc, hein. C'est pas deux, trois paroles sur une conférence, là. Bah, du coup, est-ce qu'on peut pas dissoudre complètement le groupe politique auquel elle appartient, non? Ça marche mais pas non, comme ça? Non, t'as pas compris, c'est culturel, enfin, sois pas raciste, Bobby. Tu peux pas, en fait, pour être dissous en tant qu'organisation politique, oui, effectivement, il faut être soit des activités violentes, donc là, ce serait le cas pour Laetitia Avia, soit des discours haineux, soit enfin voilà tout ce qui a rapport à la haine et la violence, mais ce qui n'est pas le cas là pour Pierre Hillard, soit si ton activité va à l'encontre, là, c'est là qu'on rentre dans une autre dimension, des valeurs de la République. Et voilà, mais c'est quoi? Parce que ça change. Elles sont jamais définies concrètement. C'est quoi les valeurs? Ouais, quand même, ouais, on commence à comprendre un peu. Hein. Je reviens au nom de jardin. Hein. C'est à peu près ça, je pense, les valeurs. Désolé, hein, mais. Non, mais c'est dès que tu touches aux juifs. En fait, les valeurs de la République s'arrêtent aux juifs. Ah oui, oui. Comme ça, c'est plus clair. Hein. Ils devraient le dire. Hein. Moi, on gagnerait du temps, je pense. Hein. C'est une judéocratie. Mais moi, avant de rebondir sur toute la machine infernale juive qui s'est mise en branle immédiatement, qui a révélé en fait les rouages les plus profonds de la République, je voudrais m'arrêter un minimum sur ce que dit Pierre Hillard. Je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes. D'abord, il faut savoir que Pierre Hillard, c'est un catholique traditionnaliste qui est connu dans certains milieux pour être foncièrement antifasciste. C'est-à-dire que pour lui, Hitler. Et dans ce qu'il dit, dans sa déclaration, il y a des. En fait, il expose sa vision. Par exemple, il nous dit qu'avant 1789, donc les Juifs ne pouvaient pas être français. Pourquoi? Parce que c'était des hérétiques. Ce qu'il suggère, c'est que tout hérétique, donc ceux qui n'étaient pas catholiques, ne pouvaient pas être français. Et après, il nous dit voilà, à partir du moment où les Juifs ont été naturalisés, ont eu les droits actifs de citoyens français, c'était la porte ouverte à l'immigration. Bon, historiquement, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, de la Révolution française, à partir du moment où on a ventilé des juifs à tous les postes en France, la boule de neige a grossi jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il nous dit, voilà, si c'était les juifs, alors qui c'est qui pouvait venir aussi? Les musulmans. Qui c'est qui pouvait venir aussi? Les bouddhistes. Donc en fait, pour lui, il n'y a que des religions. C'est-à-dire, pour lui, la France... Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qui est différent pour Pierre Hillard entre la France et l'Église catholique. C'est-à-dire que pour lui, un étranger, le concept de sang lui échappe totalement. C'est vrai que c'est en plus une ligne peut-être assez présente à Civitas, tu fais bien de la signaler, parce qu'on dirait qu'il n'y a aucune réalité d'ordre naturel là-dedans. De propos privés, j'ai déjà entendu parler de rester entre Gaulois, etc. Donc à mon avis, il doit avoir un petit peu plus loin, mais il doit avoir peut-être un prisme catholique aussi quand il donne une conférence publique où il se limite à cet aspect-là, probablement. Mais c'est vrai que c'est assez spécial parce que ça induit une mentalité où, si 80% des Français de souche sont des non-catholiques, il faut aussi les déchoir de leur nationalité alors qu'ils sont hyper enracinés depuis 1000 ans sur le territoire. Et en plus, à l'heure actuelle, c'est un peu le cas. Hein. S'il fallait tous les déchoir de leur nationalité parce qu'ils ne sont pas catholiques, bon, y aurait plus beaucoup de Français. Il y aurait pas mal de Français noirs aussi. D'ailleurs, le terme hérétique n'est pas spécialement approprié, hein, parce qu'on pourrait plus parler d'hérétique pour des chrétiens à la marge, etc. Là, il parle des juifs. C'est pas vraiment le mot qui faudrait employer. Hein. C'est vrai, t'as raison, c'est pas le mot qui convient, parce que hérétique, c'est plutôt quelqu'un qui se dit chrétien, en fait, qui ne l'est pas, alors que là, eux, ils se le disent même pas. Quoi. Je voulais rebondir ce que disait Lizinko par rapport aux Juifs. Alors, pourquoi ont-ils été expulsés de France ? Saint-Louis, le très grand roi Louis IX, se dit Saint-Louis, a expulsé les Juifs. Pourquoi ? Un Juif qui a été confié, ça j'en avais dit dans une précédente émission, mais c'est très bon de le rappeler, c'est que dans ce contexte-là, c'est que un Juif converti au catholicisme, sincèrement converti, a dénoncé sa communauté d'origine à cause de l'usure et le Talmud, ce qui était dit pendant leur messe religieuse dans la synagogue. De là, il y a eu un effet boule de neige, il y a eu toute une enquête et des débats contradictoires avec des prêtres quand même. Saint-Louis a pris le temps de faire vraiment la recherche de la vérité. Saint-Louis était un très grand roi qui avait de très grandes vertus. D'ailleurs, c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faudrait, quelqu'un qui nous manque. Hein. Vraiment, c'était quelqu'un qui était extrêmement grand. Je vous conseille de lire sa vie. Le livre, il était une fois Saint-Louis de Jean-Louis de Toubon. Il a fini après le débat contradictoire, après que les prêtres aient rendu le jugement, il a pris les Juifs et il a dit « vous partez maintenant ». Il ne les a pas exterminés, il ne les a pas brûlés, etc. Il les a dégagés du territoire. C'est-à-dire que si même les Juifs ont réussi à rendre leur présence insupportable à Louis IX, dit Saint-Louis, qui était vraiment quelqu'un de très bon, qui avait vraiment aussi le sens du pardon, c'est pour vous dire à quel point ils sont intolérables. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont été expulsés de France. Leur grande tragédie pour eux, c'est apparemment, ils appellent ça la première holocauste, la première Shoah, la première grande catastrophe qui leur est arrivée. Le lobby sioniste, un argument classique des antisémites. Tout comme d'ailleurs l'incapacité des juifs à se remettre en cause. Quand avec un français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, c'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne ne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Donc il faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort, sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale. La politique dont tu parles, par rapport à Saint-Louis, c'est un petit peu la politique même de l'Église catholique. En particulier la bulle Sicut Iudaeis, où en fait... Le principe, c'est qu'on ne va pas exterminer les Juifs, mais on ne va pas pour autant leur donner les mêmes libertés légales qu'aux autres, parce qu'on connaît leur propension à subvertir la société chrétienne. Donc ça, ça a été connu dans l'Église depuis, je pense, depuis Jésus-Christ, hein, parce qu'on s'est bien vu rendu compte qu'il y avait un petit problème. Après, bon, y a des rois qui l'ont mieux appliqué que d'autres, mais c'était la politique globale en Europe jusqu'à 89. Quoi. Oui, sachant qu'en plus, à l'origine, on revient aussi sous l'Empire romain, qui a dit aux Romains de persécuter les Juifs. Ce n'était pas les Romains eux-mêmes, de personnes ont persécuté les chrétiens, ce n'était pas les Romains eux-mêmes, mais les Juifs étaient aussi assez bien positionnés dans la société romaine. Et c'est eux qui demandaient aux Romains de persécuter les chrétiens, alors que les Romains, ça leur passait vraiment au-dessus. Hein. Donc, comme sur place en Palestine, hein, ouais, pour le coup. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des pressions populaires là-bas. Saint-Jacques. Ah de toute façon, c'est ça. Et là, en fait, ce qui est arrivé à Civitas, simplement, il a rappelé des vérités historiques. Il a dit qu'effectivement, les Juifs ont pu revenir en France et obtenir la nationalité française à partir 2 ans après la Révolution française, ce qui est étrange, hein, quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le sait que ce sont les banques protestantes qui ont payé les révolutionnaires, une très grande partie des révolutionnaires, pour faire tomber le roi. Il y a eu tout un processus, tout un complot visant à faire tomber le roi. Et il faut savoir que les Anglais avaient, bien avant la Révolution, avaient autorisé les Juifs à avoir la nationalité anglaise et aussi à tenir des positions assez élevées, ce qui pourrait expliquer cela aussi. Oui, on en parlait avant. D'ailleurs, je me permets de rappeler que la proposition pour naturaliser les Juifs à la Convention, on avait parlé dans une émission, elle avait été faite 21 fois avant d'être acceptée. En fait, c'est à l'infini jusqu'à ce que ça passe. C'est un peu comme ils ont fait ici avec l'Union Européenne, hein, quand ils ont fait dans des pays genre l'Irlande ou d'autres, qu'on dit non, non, et puis finalement on dit oui. Le traité de Maastricht pour les Français avec Sarkozy. Tout ça. Ah, c'est Lisbonne. Lisbonne, oui, c'est... voilà, Maastricht n'est pas passé, Lisbonne n'est pas sans douce. Alors que normalement, on aurait dû être les premiers à sortir de l'Union Européenne. Magnifique. Et je rappelle qu'on avait fait un référendum, que les Français s'étaient exprimés contre, à 54%, je crois, le traité de Lisbonne. Quelques mois plus tard, hop, hop, hop, coup de baguette magique, finalement, on s'en fout. Et c'est très bien de reparler de ça, parce que Civitas n'est pas seulement une association catholique, c'est aussi un parti politique. Et c'est en fait là, une chose qui leur tombe dessus, c'est la dissolution, et donc le non-participation aux élections politiques. Le problème qu'en fait, moi j'ai avec Civitas, il y a plusieurs points, mais notamment le fait qu'ils sont en politique et qu'ils continuent à faire le jeu de la démocratie politique, la politicienne, alors que n'importe quelle personne voit depuis 2005, je veux dire, vous avez vu l'évidence, la preuve qu'il n'y a pas de démocratie, que ça n'existe pas. Il y a un plan, ils doivent suivre leur plan. Si vous répondez non à une de leurs objections, ils vont contourner. On voit très bien ce qui s'est passé avec le Brexit. Hein. Le Brexit, les Anglais pensent retrouver leur pays. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se prennent 500 000, 600 000 immigrés de plus par an. Bon. Puis on voit aussi que toute opposition dérange, et voilà, il n'y a pas que le propos de Pierre Hillard, c'était des associations qui étaient dans le viseur depuis quelques temps. Déjà, l'œuvre française, elle a été dissoute par Manuel Valls en 2013, et avec la crise Covid, on voit qu'il y a un après où voilà, les restrictions, ils ont bien aimé ça, les imposer aux gens, et malheureusement, bah voilà, enfin pour eux, il y avait des voix dissonantes qui permettait d'avoir un petit espace de résistance, de liberté pour nous. Et en fait, ils sont en train de casser un peu ces verrous, parce qu'il y a d'autres associations qui subsistent, d'autres médias, et ça les dérange. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ils préparent un sale coup, l'air de rien. C'est un peu faire taire tout le monde avant de passer à la vitesse supérieure, parce que voilà, ils en ont marre des gilets jaunes, ils en ont marre de Trump, ils en ont marre de toute la soupe qu'on connaît, quand bien même ces réactions étaient très imparfaites aussi. Et après, pour Civitas, bah, je pense qu'il faut quand même en premier lieu adresser notre soutien. C'est une représentation officielle pour les cathos tradis en politique. Ensuite, on va bien sûr passer au CRI, peut-être quelques points de désaccord, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas de l'hostilité pure, quoi. Ah non, non. Ils font du bon boulot, hein. Je sais qu'à un moment, moi, j'étais abonné à leur revue quand j'avais encore le temps de lire quoi que ce soit le soir avant de m'endormir. Donc non, c'est sûr, c'est un soutien à eux pour le travail qu'ils font, ça c'est sûr. Après, il y a des points avec lesquels on n'est pas d'accord, notamment par rapport au sédevacantisme, à la reconnaissance du pape, par rapport au fait aussi des élections et l'antifascisme. Alors que l'antifascisme, ça dépend, parce que bon, à Escada, tu vois, avec De Grelle et tout, ça va quand même. Mais bon, ils vont pas, c'est sûr, afficher un fascisme non plus également. Peut-être que ce sera l'occasion maintenant d'aller un petit peu plus à fond. Juste pour terminer sur les propos de Pierre Hillard, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « je veux qu'on va déchoir les Juifs de leur nationalité ». Non, il dit « si », il parle au conditionnel, il dit « si jamais les lois de la catholicité étaient rétablies, hein, dans son esprit tel qu'il les comprend, alors peut-être faudrait-il revenir à la situation d'avant ». Mais à aucun moment, en fait, c'est comme quand tu fais une citation, tu vois, un tel a dit ça, machin, là, il dit, bon, voilà, dans telle situation, il se passerait ça. Mais c'est très limite, quoi, pour l'accuser lui-même de... C'est quand un historien pourrait dire la même chose. Si jamais on revenait à ce qu'il dit avant 89, ben, on serait comme avant 89, il n'a rien dit de plus. Voilà. Et après, c'est là aussi qu'on voit les limites du réactionnaire. Parce que pour lui, dans la tête de Pierre Hillard, la situation parfaite, c'était... Avant 1789, c'était cette notion floue de la... En fait, il n'y avait pas de concept de citoyenneté à cette époque-là. Il faut se rappeler que l'Europe médiévale et ensuite tout ce qui est venu après va naître dans l'Empire romain effondré à cause de l'invasion des barbares. Donc, dans l'Empire romain, les choses étaient claires au niveau de la citoyenneté, etc., qui pouvait devenir, qui ne pouvait pas devenir. Mais sous l'Ancien Régime, les choses sont extrêmement floues. Voilà, c'est vague, c'est-à-dire, oui, bon, mais il faut être catholique après l'expulsion des protestants. C'est, voilà, l'unité politique, en gros, il n'y a pas de concept de nation. L'unité politique, c'est l'allégeance à un même roi. La notion de citoyenneté telle qu'on l'a aujourd'hui, elle est venue avec la Révolution française. Bon, elle est dévoyée, Hein, on se comprend, on a parlé avec le décret d'abolition du droit d'aubaine où tous les peuples, déjà dès cette époque-là, sont invités à venir en France jouir d'un gouvernement super. Oui, tu parlais des vérités captives de 89 qui ont fait des choses voilà. Bien, un peu malgré eux, mais qui ont fait des choses bien. Et oui, et là on voit les limites du réactionnaire. Pour moi, Civitas, un petit peu, et Pierre Hillard représente cet état d'esprit où on veut rembobiner. On croit que l'histoire, c'est comme une cassette, et on rembobine et on retourne au moment où on préfère dans le film. Quoi. Alors, c'est exactement. Tu rembobines la cassette et tu t'arrêtes, et en fait, t'arrives en 1730, t'as les mêmes soucis, parce que l'aristocratie est déjà acquise à la franc-maçonnerie, qui est très tendance. Vous avez d'ailleurs en 1737, il y a Louis XV qui son chargé de police, je ne sais plus comment on appelait ce type d'intendant à l'époque. C'est comme ça qu'on a chopé des textes et qu'on connaît comment ils fonctionnent d'ailleurs. Et l'année d'après, c'est le pape en 1738 avec une bulle, je crois c'est Clément XII et tout ça. Et en fait, on revient exactement dans ce contexte où l'aristocratie est déjà en train de lire Jean-Jacques Rousseau et machin. Et en fait, dans l'étiologie du mal, c'est pas uniquement de déchoir la nationalité, ça peut être une solution à la limite, mais t'as mille problèmes et les juifs pas toujours derrière tout. Hein. Sinon, ça serait trop facile. Oui, il y a un côté puéril, tu vois, puéril dans je veux revoir le meilleur passage et en oubliant que tu vas terminer la fin du film quand même, tu vois, si tu retournes à ce moment-là. Ouais, l'État nous pousse aussi à une forme de clandestinité. C'est vrai que là, on est en train de se dire, en fait, une association loi 1901, ça sert strictement à rien parce que les types, ils ont l'acide pour dissoudre assez facilement. Rex, tu faisais référence à l'œuvre française. Parlons-en, l'œuvre française. Ça avait été dissous sous Manuel Valls pour une histoire complètement dingue avec la bagarre entre les skins de Troisième Voie et puis le groupe qui appartenait à Clément Méric. Clément Méric en est mort. Alors du coup, déjà, on peut se dire, OK, il y a un mec de Troisième Voie qui est dans une histoire de bagarre, faut dissoudre tout le groupe, déjà, c'est un problème, est-ce qu'on veut vraiment appliquer la logique là? Et surtout, quel est leur rapport avec l'œuvre française et les jeunesses nationalistes qui avaient été dissous pour la même occasion, qui n'avaient absolument rien à voir dans cette histoire? Ils ont dit, bon, allez, ça, de toute façon, c'est l'extrême droite, machin, allez hop, dissolution. Nous avons procédé en conseil de ministres à la dissolution de deux organisations liées à l'extrême droite, qui sera un décret signé par le président de la République, l'œuvre française, qui a été créée en 1968, qui est une association qui propage une idéologie xénophobe et antisémite. Dans le même sens, par décret toujours, le président de la République va dissoudre les jeunesses nationalistes qui propagent elles aussi la haine et la violence, qui exalte la collaboration, qui rendent hommage à des miliciens ou à des Waffen-SS, avec pour certains de ses membres aussi des saluts hitlériens. Civitas, dissolution. En Allemagne, ils sont en train de parler de dissoudre l'AfD, le président allemand. Donc le président, c'est pas celui qui a le pouvoir, c'est le chancelier. Et il est en train de dire, l'AfD, ils sont un peu en dehors de la démocratie, on va les dissoudre, deuxième force politique du pays. Ils vont dissoudre tout ce qui est nationaliste franco-français, tout ce qui représente vraiment la France et le pays réel. Ils vont le dissoudre parce qu'on est dans un régime communiste qui ne tolère absolument pas que la réalité apparaisse et qu'elle lui dise à quel point elle a tort. Si vous permettez, on a fait un peu le point sur ce qu'a dit Pierre Hillard, et on n'est pas d'accord avec tout, mais il y a quand même un côté vrai dans ce qu'il dit, il fait juste un rappel historique, quoi. Et maintenant, je voudrais voir un petit peu la machine qui se met en branle. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, ils ont un mérite. Je remercie Pierre et Civitas parce qu'ils manifestent vraiment l'essence de la République. Donc, on a le 5 août, on a un tweet de la LICRA, de l'UEJF aussi, je crois, qui s'adresse donc à Moussa Darmanin, Gérard Darmanin, et aussi au préfet de police de Paris, et qui leur demande, ce qui est important, c'est les termes, il leur demande une condamnation ferme, condamnation ferme, donc de Pierre Hillard, des propos, etc. Et il demande aussi la dissolution de Civitas, le 5 août. 24 heures passent, il ne se passe rien. On dirait que la République est enfin... la séparation de la synagogue et de l'État a enfin eu lieu. En 24 heures de plus, on est le 7 août, et là, Gérard Darmanin donc nous tweet, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il condamne fermement ces propos ignominieux. Enfin, les termes, c'est quand même assez extraordinaire. Il reprend vraiment les termes du tweet des Juifs. Apparemment, Zinko, c'est aussi parce que Mélenchon a aussi demandé la dissolution. Et c'est à partir de là, apparemment, qu'il a déclenché. Donc l'horrible Mélenchon qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui donne pas son temps à faire croire qu'il est du prolétariat, elle dit oh, il faut dissoudre ces gens antisémites alors que le mec il fricote avec les pires musulmans qui existent, ce qui est quand même très très drôle. D'accord, ça a pu aider, mais bon, permets-moi de croire que c'est plutôt ce qui a eu le plus de poids, disons, dans le tweet. C'est peut-être pas Mélenchon. C'est plutôt... Non, mais c'est un tout, je veux dire. C'est un tout. Il y a, bien sûr, il y a nos amis à Kippa qui ont fait ça, mais je pense que le fait qu'il y a Mélenchon, il y a tout le monde qui s'est mis à crier. Je pense qu'il dit allez, on y va. Ouais, mais bon, ce qui est frappant, c'est qu'il reprend les termes exacts. Il dit je condamne fermement ces propos, voilà, ignominieux, je ne sais plus l'adjectif. Je saisis le procureur de la République. D'accord ? Donc, en fait, il faut que ce ne soit pas simplement une condamnation verbale, voilà, un jugement de valeur. Bah, je le dis à la maîtresse, c'est ça. Je vais le dire à la maîtresse. Voilà. Donc il fait ça, et après il nous dit « je lance dans mon service les procédures de dissolution ». Donc il coche toutes les cases, toutes les demandes du juif sont honorées. Et là par contre pour la dissolution, j'ai découvert que ce n'était pas pareil. Je pensais que pour dissoudre une organisation de ce type-là, ça passait aussi par la sphère judiciaire. Mais non, là c'est une procédure administrative. C'est-à-dire que ça ne dépend que du ministre de l'Intérieur. Ça ne dépend que de ses services. Donc autant dire que voilà… Je suis désolé, Civitas, mais c'est terminares, c'est fini. Ah oui, c'est clair, vous allez être dissous, voilà, c'est sûr et certain. Non, mais ce qui est très bien, il faut rebondir là-dessus. Souvenez-vous, qui avait pris le bras de Macron et l'avait levé lors des dîners du CRIF ? Khalifa. C'est-à-dire, c'est tout un signe. C'est-à-dire qu'ils avaient leur golem. Regardez, on a notre golem, regardez. Voilà, ils sont tout puissants. La tête de Macron, je me rappelle à ce moment-là. Ah oui, il était dépité. Il sentait qu'il n'avait plus rien. Il était. Ah, mais il y est plus jamais retourné d'ailleurs après ça. Donc c'était tellement évident. Mais c'est ça qui est bien en fait. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait sortir le loup de son terrier. On a eu les gilets jaunes. On a vu tous les juifs soit se barrer du pays, se taper, dire ah on est pour la démocratie dans les autres pays. Mais quand les Français de souche ici se révoltent légalement, ils disent ouais, on en a marre de se faire taxer pour rien. On leur tape dessus. Ils étaient tous contents. On avait une Elisabeth Lévy qui était folle, qui était ouais, voilà. Du sang, on veut du sang. Pareil pour lorsqu'il y a eu les manifestations contre le pass sanitaire, quand il y a eu le qui. Ah, ils sont devenus fous là, le qui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appris que Bourla était juif. C'est très bien. Ils sont, dans les dénonciations de Civitas, d'ailleurs, je vois des reproches idiots de la presse de dire ah, il parle de nouvel ordre mondial, de soi-disant nouvel ordre mondial ou ce truc comme ça. Alors que là, bon, certes, c'est un thème très prisé par les conspis et tout, mais je veux dire, c'est dans la bouche de George Bush, c'est le cas de le dire, c'est dans la bouche de Sarkozy, tu l'as en français, tu l'as en anglais, enfin. T'as des gens qui font cette rêverie républicaine mondiale, je veux dire, ça existe. Je vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'est dans la bouche de tous les gens, Rex. De plus en plus de gens, le comprennent. Notamment, j'ai vu beaucoup de gens se barrer de différents pays lorsqu'ils devaient être quasiment forcés de vacciner. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont compris tout d'un coup ce qui se passait. Là, un petit peu pour... Voilà, traiter des petits points par rapport à Civitas où c'est vrai que dans leur souci de l'État et du familiarisme, ils sont partisans d'un genre de féodalisme des familles. Il y a beaucoup de ça où comme on peut pas trop prendre l'État, ça a l'air compliqué. On veut d'ailleurs pas d'étatisme et le mot d'État est moderne et contemporain. Ça n'existait pas avant le 18e siècle et tout ça. Voilà, je continue un peu la logorée. Et du coup, on se rabat un petit peu sur ça et ça donne, je veux dire... Je sais pas, à l'époque du conflit des Guelfes et des Gibelins, du temps de Dante, le 12e siècle, ça donne un peu ça, quoi, les riches familles italiennes qui se partagent un peu le gâteau. Et en fait, on dirait que selon certains militants, c'est peut-être pas toute la ligne officielle et tout, mais on voit un gros familiarisme de présent, là où en fait, il faut qu'il y ait les deux, d'ailleurs dans la politique subsidiaire, c'est-à-dire des familles sans un État, bah, c'est l'anarchie, et l'État qui ne respecte pas les familles, comme c'est à l'heure actuelle d'ailleurs. Bah là, c'est la tyrannie. Je pense qu'on est plutôt dans la tyrannie, en effet. Mais eux, en opposition à la tyrannie, ils proposent un peu plutôt un genre d'anarchie familiale, quoi. Pour certains d'entre eux, en tout cas. Mais je trouve ça assez spécial. Et tout ça parce qu'ils ont un peu peur des mots tels que État, peuple et nation, qui ont été très employés par 1789. Mais je veux dire, quand on regarde dans le magistère du pape, les encycliques de Léon XIII, etc., il reprend ce terme-là pour y mettre le concept catholique derrière. Il n'y a aucun souci, il faut arrêter de faire plus de zèle que le pape. Et tous ces gens, même très souvent chez les légitimistes qui vous disent « Dieu le roi » et machin, ils ont l'impression que c'est un programme à part entière parce qu'ils ont dit deux mots. En fait, ce qui leur plaît, c'est uniquement le roi. Ils en ont rien à foutre du pape. Des fois, d'ailleurs, c'est des cathos conciliaires, machin, qui critiquent Bergoglio comme le fait les lefévristes et tout ça. Mais voilà, enfin, on est dans cette conception un peu lunaire de « Je dis Dieu le roi, c'est un sortilège, donc ça va arriver. » Oui, ben c'est ça, c'est les gens qui veulent absolument un sauveur sans jamais avoir à faire quoi que ce soit et surtout ne pas tremper leurs pieds dans l'eau chaude. Oh non, non, on reste sur la berge, on regarde ce qui se passe, il y a des vagues, c'est trop dangereux. Exactement, oui. Bah, c'est dans la lignée de Maurras, en fait, que tu dirais que c'est l'idée de subordonner la société, la cité, le tout, à la famille. C'était déjà ce qu'on retrouvait dans Maurras. En fait, c'est là que tu vois que ces gens-là, depuis 250 ans, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils veulent rembobiner, ils veulent retourner en arrière, ils n'ont compris aucune leçon politique. Et... Ça veut dire qu'on se considère parfait, d'ailleurs. C'est l'orgueil qu'il y a derrière tout ça. C'est l'orgueil français, d'accord ? C'est l'orgueil français qu'on retrouvait déjà à l'époque du gallicanisme. Et là, aujourd'hui, c'est l'orgueil français qui est frustré, qui est amer, parce qu'on est ridicule maintenant en tant que Français, il faut l'avouer. Hein, à l'international, bon, il y a encore un reste de rayonnement, mais on n'a plus rien, surtout catholique. Hein, catholique français, on se réfugie dans des chimères où on a quand même un rôle extraordinaire de sauveur du monde, de sauveur de l'Église, et tout était parfait. Et voilà. Et sur le plan politique, ça se résout dans une vision. Moi, je qualifierais cette vision de mécanique, c'est-à-dire on agglutine ensemble des familles, d'accord. Et voilà, ça nous fait un État. Il y a une famille qui est là. La dynastie royale qui est divine, enfin voilà, elle est intouchable, quoi qu'elle fasse, c'est parfait. Mais c'est à des années-lumière du fascisme, je me permettrai le terme, de l'organicité fascisme, où on conçoit le tout politique comme un corps, et où la raison d'être de chaque famille, les individus c'est pareil, c'est quel est son rôle dans la vie de la cité tout entière. Ça, ils en sont à des années-lumière. Et c'est la démocratie, tout ça, parce que c'est venu après la Révolution, c'est les fascistes qui l'ont compris. Et les fascistes, c'est pas français, c'est aussi problématique. Hein. C'est l'Italie, c'est l'Angleterre, pardon, c'est l'Allemagne. Mais Bill, c'est surtout ce que tu dis, c'est très juste, c'est surtout aussi que ces gens-là sont très souvent à la fraternité. La fraternité suit les encycliques reconnaissent Bergoglio comme le pape, mais ne suivent pas ses commandements, ce qu'il dit, ce qu'il fait, le critique sur certains points. Et par contre, ils sont antifascistes et ils détestent le fascisme qui, soi-disant, a été condamné par le pape. Alors on sait très bien ici que c'est faux. Donc il y a toute cette notion. En fait, ils tirent à côté de l'objectif parce qu'ils ne veulent pas nommer l'ennemi. Et c'est pratique, c'est les bourgeois pratique. Un peu. C'est ça, les gens se sont embourgeoisés. On est tellement embourgeoisés que plus personne veut faire le sacrifice. On est dans une guerre, ils arrivent pour nos enfants. On est dans une guerre. C'est pas en retournant 1000 ans à 2000 ans à un système clanique que ça va fonctionner. Non, on est dans la continuité, donc on peut avancer. On peut conserver certaines idées du passé, genre les comportements vraiment très vertueux d'un Saint-Louis qui peuvent être inspirants, mais il faut composer avec l'état du monde actuel et de ce qu'il y a et des forces que nous avons aussi à mettre devant pour nous battre. Vous pouvez vous rendre place de la République à Paris, prendre un mégaphone et crier à plein poumon « Vive le roi !» Bon, au pire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont vous rire au nez. Faites la même chose en gueulant à Hitler, vous allez voir les emmerdes que vous allez avoir. Quand on a des soucis, c'est justement quand on commence à embêter l'ennemi. Voilà. Si l'ennemi, il nous rigole au nez, il nous ignore, bon, bah, c'est qu'en fait, on n'est pas en danger. Ah, il n'y a aucune prise de risque là-dedans, en fait. Et donc, oui, il faut reprendre un petit peu ces termes qui peuvent être plus ou moins contemporains. Bon, le mot de nation, ça vient de naître, d'achérer et tout ça. Donc, bon, il y a des vieux mots aussi, quand même. Mais voilà, l'État et la représentation du peuple, d'ailleurs, ils lui ressemblent beaucoup. Même les Français anti-macronistes et tout, dans leur dégénérescence, finalement, ne sont pas si différents de leur président à l'heure actuelle, si on généralise un peu, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'État, boomers. C'est quand même là, voilà, notamment les boomers. Bon, toutes les générations ne sont pas unies, sont un peu partout les boomers, hein, ils sont chez les anti-vax, ils sont au FN, ils sont un peu partout, mais oui, par contre, en majorité, ils ont été dans pendant un demi-siècle, ce qui a bien détruit notre civilisation, ça c'est clair, on peut quand même le reprocher. C'est pas. D'ailleurs, c'est quand même une génération de débrouillards, parce que leurs parents les ont laissés se débrouiller, ils n'ont pas transmis grand-chose. Les boomers ont transmis transmis encore moins. Et donc, bon, ils ne sont pas responsables de tout, parce que c'est un peu un enchaînement sociologique comme ça sur quelques générations. Mais c'est vrai que c'est, bon, en même temps, c'est la plus catastrophique, puisque c'est vraiment la marque de la fin, quoi. Et donc, je disais, bah, y a l'État qui représente, qui guide un peuple, en effet. La nation, c'est un peu le corps. Et les deux sont réunis, en fait. L'État réunit, voilà, la nation et son corps, qui est un assemblage de classes sociales, un assemblage de familles, bien sûr. Mais face à cette République qui n'est qu'une agrégation d'individus rois, pourquoi substituer à ça la famille roi, en fait, de certains éléments de Civitas, quoi. Et je trouve que la France, excusez-moi du terme, mais c'est très enjuivée dans le sens où elle attend un sauveur messianique. Oui, c'est oui. Ça. Hein. Judéomorphe. Judéomorphe, oui, c'est ça. De se considérer comme la France, la fille aînée, d'ailleurs, c'est inventé par un républicain, ce terme-là, mais voilà, peuple élu. C'est-à-dire, c'est le nouveau peuple élu du Nouveau Testament. Exactement, et on est en train de juger. Judéomorphe. Il y a un rapport de jalousie, en fait, avec le juif, mais dans le sens, je veux être. Enfin, c'est calife à la place du. C'est horrible. Le Messie va venir demain, il va tout résoudre, et puis on n'a pas besoin de s'en inquiéter du lendemain. Bon, bah, c'est bon, c'est réglé, hein. Je reste tranquille comme ça dans ma petite chapelle, je fais rien, quoi. Voilà. Combien de fois j'ai 50 images en tête là de types justement qui s'étaient embourgeoisés et qui sont pour le Messie qui va arriver demain. On est surnaturaliste bien sûr parce que forcément faut pas s'intéresser au monde actuel. Puis je suis pour le roi parce que ça mange pas de pain, voilà. T'es c'est pour un qui slogan, toi quoi. Je suis pour le roi, voilà. C'est okay. Ça, c'est un slogan pour vendre un produit, comme c'est pour ça, comme Civitas qui voulait faire les élections, on vendait un peu un produit. Non, on est dans l'action, on est dans le combat. Il faut accepter de faire des sacrifices. Le sacrement de la confirmation donne un caractère, je ne reprends pas toute la doctrine du caractère, marque ineffaçable dans l'âme, qui est un pouvoir, une puissance spirituelle. Les trois caractères sont une puissance, une capacité, un pouvoir. Pouvoir de devenir enfant de Dieu, ici, pouvoir de devenir un combattant, un soldat du Christ, ou même, et ce n'est pas contradictoire du tout, un témoin du Christ. Vous voyez, il faut bien comprendre que dans la confirmation, la grâce qui est donnée pour la sanctification de ce chrétien, elle est destinée à ce que ce chrétien affronte les dangers extérieurs. Ce que ne comporte pas le baptême. Le baptême ne fait que sanctifier quelqu'un en lui-même, pour lui-même, mais pas vis-à-vis de ce monde extérieur. D'où l'importance, je l'ai déjà dit, de la confirmation aujourd'hui. C'est difficile d'être chrétien aujourd'hui, hein, parce que on vit dans un monde hédoniste, matérialiste, individualiste, et on a l'impression, on aurait tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes pour se sanctifier et ne pas avoir de contact. Or, c'est pas l'essence de la vie chrétienne. Et tous les saints ont montré qu'ils avaient sur le monde extérieur un impact considérable. Et ça, c'est la grâce de la confirmation. Et la France peut mourir. Si ça continue, la France va mourir. C'est tout, il faut que l'accepter. C'est ce qui risque de se passer si on continue dans cette lancée-là. On est déjà très avancé dans le stade presque terminal du cancer, là. Bah, tout à l'heure, c'est marrant, c'était dimanche. Et je parlais à quelqu'un justement à la sortie de la messe. Et il était en vacances, voilà, bon, je ne vais pas dire où je suis, mais il était en vacances dans le coin. Et il me dit, voilà, la semaine prochaine, je vais repartir à l'art, machin. On profite parce qu'en septembre, on ne sait pas s'ils vont nous renfermer, tu vois, à cause du Covid. Et tu te dis, mais on en est, il va falloir. Enfin, au moins lui il en a conscience, au moins lui il a conscience qu'en fait c'est pas terminé, hein, tout ce qu'ils nous ont fait avec le Covid et le chemin vers le Great Reset qui n'est autre que le communisme. Il faut se rendre compte qu'on avance vers le communisme. C'est donc, ça. Là, ça s'est calmé, mais c'est toujours le projet, ça il faut en avoir aucun doute, et ça passe par l'endettement. D'accord, là, vous pouvez regarder vos dettes locales, bon, il y a la dette de l'État, hein, d'ailleurs, vous voyez que bon, c'est peut-être un petit problème, mais renseignez-vous dans votre village. Allez voir, parce qu'il y a plein de travaux obligatoires, par exemple, qui doivent être faits dans. C'est l'État qui oblige. Il n'y a pas les subventions pour faire les travaux, parce qu'effectivement, il faut reconstruire les quartiers nord de Marseille. Enfin, voilà, d'ailleurs, c'est d'actualité. Hein, voilà. Il y a une loi qui a été votée. Le fric, il ne va pas aller dans votre petit village dans les Pyrénées pour mettre en ordre aux normes la circulation des eaux. Mais il va falloir quand même le payer parce que c'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez contracter une dette, d'accord, à l'échelle municipale. Vous allez vous endetter. Au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir rembourser. Et c'est là que le juif va arriver au bout d'un moment. Il va dire, non, Tu ne peux pas me payer. Ben, écoute, tu ne me payes pas, mais tout ce que tu as est à moi. Voilà. Et c'est là qu'on va basculer dans. Donc, ça, c'est il faut ça, se rendre compte que c'est ça, ça arrive. Oui, oui. D'accord. Bien sûr. On est sur le point, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va arriver à ce stade-là où on va arriver pour déposséder les gens? Après, peut-être que tout ça va s'arrêter parce que ça se trouve, Civitas va recevoir de l'aide de la part de Gilles William Gonadel. Non, j'en rigole parce que j'ai le tweet sous les yeux où Gonadel, il a dit « Le cadavre puant de l'extrême droite » donc en parlant de Civitas et de Pierre Hilar, hein, « Le cadavre puant de l'extrême droite antisémite bouge encore. Avocat sans frontières » donc la sauce dont il est président, « Avocat sans frontières va se le faire. » Déjà, sans frontières, voilà. Ouais. Quand il y a un « sans frontières » dans un titre, c'est souvent juif, quoi. Bon, alors les gens, ils pensaient peut-être que à force d'être copain à copain avec les juifs, ça allait peut-être... Non, vous oubliez, c'est mort. Non, mais le pire là-dedans, c'est que ce sont des phrases qui sont tirées de leur contexte, donc c'est complètement stupide. Mais cet homme-là, je serais lui, je ferais attention, parce qu'il est en train d'essayer d'expulser la France du tombeau des rois, hein, dont qui appartient à la France, en Israël. Et ça, normalement, lorsqu'on vexe un territoire dont on est citoyen, un pays dont on est citoyen d'un de ces territoires, c'est normalement la peine capitale. Le seul fait qu'il peut condamner quelqu'un à de la haute trahison. Alors, il n'y a plus la peine capitale, mais en tout cas, normalement, c'est la peine capitale qui était appliquée, quoi. Donc là, effectivement, séparer le territoire national, c'est un fait de haute trahison, quoi. Mais bon, oui. Apparemment, il est patriote français et tout ça. Oui, c'est ça. Il est sans frontières pour les autres pays, mais frontières pour Israël. Je déteste ces gens-là qui viennent essayer de nous donner des conseils, qu'ils retournent dans leur pays, qu'ils nous foutent la paix. Vous avez remarqué que plus le temps passe, plus il frise. Moi, je trouve ça bien. Parce qu'au départ, il essaie de se faire passer pour un Français, tu vois, genre Gilles William. Bon, déjà, Gonadel, tu vois. Bon, c'était louche. Mais voilà, maintenant, il frise de plus en plus. Et on se rend bien compte, en plus, déjà, il a avec son visage, avec son nez en œuvre boîte, là, que voilà, il y a quand même les Français, quand ils le regardent, ils se disent, mais attendez, mais est-ce qu'il ne serait pas la fameuse tribu, là, des gens qui nous embêtent depuis 2000 ans, là, hein? Parce que lui, il est quand même louche. Et je pense que son petit côté frisé qui s'accentue, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Parce que moi, j'aime bien que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, un film Astérix. On se dit, bon, alors Astérix, on va le présenter comme version Gétorix, tu vois, normal. Non, là, ils ont mis un Cohen et ils ont mis des boucles blondes dans le dernier Astérix. Non. Moi, j'aime bien que ce soit clair. Il y en a marre de ces gens qui se font raccourcir le nom et raccourcir le pif. Non. Ayons deux clans bien distincts, bien visibles. Et ça se passera beaucoup mieux. Vous comprenez maintenant ces gens-là, les juifs. Ils se font tous raboter le pif et raccourcir le nom. Alors on les reconnaît plus. Non, mais c'est vrai, regardez Jean-Marie Le Pen au Wichten, on dirait un breton. Je me posais la question, par exemple, vous savez que les acteurs et les actrices de films porno, forcément, ils n'utilisent pas leur vrai nom. Bien sûr, parce que c'est eux qui se mettent tout nus devant la caméra, donc c'est honteux. Mais je me suis interrogé, mais pourquoi est-ce que les producteurs et les réalisateurs, qui sont pas eux tout nus face à la caméra, eux aussi utilisent des pseudonymes dans le porno? C'est quand même bizarre comme truc. Et en fait, c'est parce qu'il y a plein de noms qui terminent par Berg et Stein. Ils sont tous juifs. Voilà. Bah oui, donc pour juste plus soyer vers ton propos, pour soutenir ton propos, on veut un petit peu moins de Gaulle du Bled et de Anderson le Viking, comme dans Les Inconnus, voilà, où Cohen joue Ben Soussan, voilà, joue un Viking. Toi, tu vas me faire une belle carrière avec ta tête de tafiole. Tu vas peut-être avoir un peu mal au cul, mais je te promets un César dans les 5 ans. Et César, c'est moi, c'est la famille. T'es juif? Pardon? T'as l'habit à col roulé? Dis-moi la vérité. Oui, mais je suis pas pratiquant. Juif et PD, t'as tout pour réussir. Alors, si vous permettez, messieurs, je reprends avec le tour d'horizon de cette histoire, parce que c'est vraiment fantastique. Donc voilà, ça part de Pierre Hilar, après ça repart bien comme il faut des Juifs, ça va jusqu'à Darmanin, et après je remercie encore une fois Pierre Hilar, parce qu'on voit vraiment l'évolution. Si vous vous rappelez, il y avait eu, on va en parler tout à l'heure, hein, mais l'affaire de Dieudonné avec le mur. Oui, il y avait eu le spectacle où il y avait des mots gentils qui étaient dits sur Patrick Cohen. Mais ce qui obsède l'artiste, ce sont décidément les Juifs. Au détour de la plupart de ses sketchs, des salves antisémites, jusqu'à cette charge contre Patrick Cohen, l'animateur de France Inter, qui voudrait interdire l'humoriste d'antenne. Et tu vois, lui, s'il est Antoine, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je l'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Et on avait eu la LICRA déjà à cette époque-là qui avait tweeté pour demander l'interdiction du spectacle. Et comme voilà, exactement comme ici, c'est le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, le lendemain, voilà, ok, on y est, on s'y met. Et on avait eu les partis politiques qui avaient réagi à l'époque. Et le FN, c'était le FN à l'époque, ne s'était pas vraiment associé à cet enthousiasme pour faire taire un humoriste. Mais là, 10 ans plus tard, c'est plus la même chose. Bon, mais déjà, ça ne s'appelle plus le FN, ça s'appelle le RN. Mais on a donc voilà, ce que nous dit la députée RN, une députée Edwige Diaz. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « S'il s'avère que ce groupe a tenu des propos qui n'ont pas leur place dans la République, il faudra le dissoudre. » Voilà. Donc après, on a les Républicains avec Ciotti. Ça ne change pas. Voilà, ces théories du complot sont abjectes. On a Reconquête aussi avec Gilbert Collard. Voilà, moi, je trouve ça intéressant. Ça permet de clarifier les lignes, oui. Ce qui est intéressant... Non, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on nous parle de la liberté d'expression. La liberté pour qui, en fait ? Pas pour les goyim, en tout cas. Pas pour le français de souche qui se fait massacrer, remplacer sur son propre territoire, où il y a des actes de plus en plus barbares, notamment le viol de la pauvre gamine à Cherbourg. Hein, des trucs, mais il y a des choses abominables. Mais non. Vous n'avez pas le droit de le dire. Dès qu'il arrive quelque chose à un Cohen, alors là, par contre, c'est tout le monde entier doit s'arrêter et pleurer. Bah, c'est de la récupération, en fait. Il y a la liberté d'expression et ne pas faire de la récupération, sinon on est d'extrême droite. Et comme, en fait, bah, tout le monde est d'extrême droite aujourd'hui, hein, parce que pour eux, même Asselineau, c'est déjà trop, alors que ça va pas très loin. Donc ouais, t'as vite fait d'être épinglé. Mais et c'est très bien. On voit que c'est progressif, c'est-à-dire qu'au début, ils s'attaquent aux plus radicaux. Donc, les choses comme œuvre française, Civitas, sont quand même assez embêtantes. Civitas, parce que quand même, Cato Tradi, bon, ça tranche du monde moderne et de la laïcité. Et une fois qu'il n'y a plus ces associations-là, évidemment, celles qui sont un petit peu moins... un peu moins radicales et les suivantes, celles qui subsistent, bah, seront évidemment dans le viseur au prochain propos qui déplaît et il sera facile de le trouver. Et si ce n'est pas dit en 2023, ils peuvent même piocher un document d'une revue et un article qui est sorti il y a 3 ans, hein. Ils sont sans pitié. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour Hervé Rissen ? Ils ont épioché tous ces livres jusqu'à ce qu'ils coincent sur toute petite chose. Ces associations... Et encore, il s'est fait condamner pour un tweet en plus. C'est ce qui est quand même aberrant, quoi, le mec. Oui, mais c'est de la folie. Oui, c'est surtout ces vidéos un peu provocatrices et le Twitter qui l'a bien fait du mal, parce qu'en soi, les ouvrages, c'est très, ça fait travail de bibliothécaire, donc c'est difficilement attaquable, quoi. À mon avis, c'est très très sourcé, ouais, donc c'est... Très sourcé. Parce que, en plus, d'autant plus abject que moi, j'aurais bien aimé que Hervé Rissen se positionne sur la question révisionniste. Non, même pas, en fait, d'accord. Mais, de fait, c'est vrai qu'il ne s'est jamais positionné là-dessus. Il n'a jamais parlé de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ils l'ont épinglé sur un tweet qu'il a fait dans toute sa vie, qui parle vite fait de ce sujet-là. Et en fait, c'était même pas un écrit, c'était un dessin, c'était une parodie, quoi. Et ils l'ont fait passer pour un acolyte du professeur Forisson. C'était quand même un peu fort de café. Mais bon, ça passe. Bah, là, s'il n'était pas révisionniste, à mon avis, il a dû le devenir avec ce qui s'est passé là. C'est parce que ça va. En fait, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'il y a un effet boule de neige. C'est qu'ils vont de plus en plus loin, plus en plus vite. Ils se montrent, ils sont devenus extrêmement arrogants. Je pense qu'un exemple typique, c'est un qui nous vient des États-Unis, avec quand le gouverneur de la Floride a été signé un billet contre l'antisémitisme en Israël. Quand vous avez un de vos représentants qui part dans un pays à l'étranger pour signer une loi qui vous interdit votre liberté d'expression parce que l'antisémitisme, il faut quand même se poser la question de qui contrôle. Quand on voit que la plupart des dirigeants doivent absolument passer par le mur d'alimentation et prendre une photo là-bas pour être éligibles en judéocratie, comme je le dirais. Donc les gens doivent bien se rendre compte maintenant qui dirige. Au contraire, je trouve que c'est très bien ce qui se passe, que ça va mettre en évidence qui a le pouvoir. Plus que jamais. Parce que nous, je pense qu'on a un privilège en France, pour comparer aux États-Unis, par exemple. La République, elle est vraiment... Disons que le lien avec le juif, c'est de l'ordre du consubstantiel, quoi. C'est ce que cette histoire montre. Parce que... Faut se renseigner quand même sur le concret législatif, bon, même si on sait qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont censés respecter les formes. D'une certaine façon. Donc, pour pouvoir dissoudre une organisation, il faut donner une raison. Voilà, il faut donner une raison. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, moi, je me suis renseigné sur les raisons qui peuvent être données. C'est, la première partie, c'est la violence. Là, on ne peut pas vraiment accuser Civitas d'être violent. D'accord. On ne peut pas non plus prétendre que Civitas représente un danger politique. Voilà, ils sont combien dans leur salle de conférence? Ils doivent être 200 à tout casser. Le dernier critère pour pouvoir dissoudre, c'est de s'opposer aux normes de la société. Donc là, en fait, c'est ce critère qui a été retenu pour Civitas. Civitas, on se rend compte qu'ils sont en train de... Pierre Hilar, il touche là, dans son discours, à l'essence de la République. La norme de la République. Le juif, c'est la norme. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Il parle de religion d'État, catholicisme. Première chose. D'accord? Mais ça s'oppose à la nature de la République. La nature de la République, c'est pas l'athéisme. Il y a une religion dans la République. C'est la religion de l'homme. C'est la religion de la déclaration des droits de l'homme. Et des nains de jardin aussi. Oui, voilà. Mais ça va avec. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'homme-dieu qui fait ce qu'il veut et qui redéfinit tout ce qu'il veut. De toute façon, c'était Merel qui disait qu'on ne pourrait même pas voter pour un candidat qui serait antidémocratique, parce que tout le système se mettra en branle pour annuler l'élection, parce qu'on ne peut pas voter contre la démocratie. Et oui, mais c'est ça qu'ils n'avaient pas compris à Civitas. Et sur le catholicisme, on peut dire aussi que ça va contre la religion de la République. Maintenant, elle a évolué. Bon, c'était la déclaration des droits de l'homme, c'est toujours le cas. Mais il y a la Shoah hein, qui est venue se mettre par-dessus. Non. Donc on ne peut pas... Voilà, non, tu parles de catholicisme, religion d'État en France, Pierre Hilar. Non, on te dissout ton association. C'est tendancieux, parce qu'en plus... Tu peux pas effectivement faire la promotion d'un parti politique qui dirait bon bah moi si j'arrive au pouvoir j'enlève la démocratie, mais tu peux faire la promotion d'un parti politique et te présenter aux élections même si tu définis à l'avance que tu veux établir un changement de régime. Mais bon, j'imagine que si ce changement de régime se fait vers la droite, là on va trouver des motifs, comme t'es en train de dire Nzinko, pour faire une des solutions. Quand c'est un changement de régime vers la gauche, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon qui l'a fait de manière officielle, lorsqu'il voulait présenter une sixième république, d'accord, donc c'est un changement de régime avec une autre constitution, là par contre ça passe. Non, ils l'arrêteront. Si ça va trop à gauche, ils l'arrêteront. S'ils ont besoin de maintenir une certaine illusion, c'est pas possible. Oui, en tout cas, ils l'ont pas arrêté. Hein. En tout cas, il a fait sa campagne jusqu'au bout. Hein. Mais ils lui ont causé quelques problèmes, mais oui, il a fait. Mais là, c'est surtout, en fait, ils haïssent le catholicisme. Ces gens-là haïssent parce qu'ils ont été expulsés de France par Saint-Louis. Quand je rappelle, Saint-Louis, il les a trouvés tellement insupportables qu'il les a dégagés. Saint-Louis était vraiment un saint. Il porte bien son nom, il faut lire le livre, il faut lire sa vie, qui il était. Je veux dire, c'était un saint, vraiment, un saint homme. Si même lui a décidé de les dégager, il devrait vraiment se poser la question, mais apparemment, non. Donc, apparemment, le nombre de fois où ils sont fait expulser n'a pas été suffisante. Il va falloir peut-être revoir, réviser les méthodes. Oui, mais donc là, tu parles du juif, mais en fait, là, on est face aux juifs et la République. La République, c'est quand même quelque chose, on a du mal à faire la différence, mais c'est quand même, il faut essayer de faire un effort. Il y a un côté, la République, c'est un peu notre, malheureusement, c'est comme le français qui est devenu juif, mais là, c'est nous, d'accord? Et quand Pierre Hilar dit, en gros, il suggère, il ne dit pas qu'il faut faire, mais il dit, il faudrait peut-être séparer le juif et la République, là, il touche. À l'essence du système. Là, il faut dissoudre son association. Oui, non, mais la plupart des gens ne croient même plus. Regarde le nombre d'abstentions aux élections. Il n'y avait que 24% des gens réellement qui ont voté. Il n'y a plus personne qui vote. Plus personne n'y croit. Oui, mais les juifs, ils y croient. Les républicains, les grands laïcards, les grands francs-maçons, ils y croient. Ils croient à la République. Et ils croient surtout à ce dogme qui est la consubstantialité du juif et de la République. On en avait déjà parlé dans l'affaire Gisèle Halimi, là, qui avait été béatifiée. Je ne sais pas si vous vous rappelez par Macron, là, il y a quelques mois. C'était pour laquelle, oui, justement, le gros bain d'huile, comment il s'appelle, hein, celui qui est député des France... Meilleur Habib, merci. Toi, tu dis huile, j'ai tout de suite compris. Mais qui avait fait une sorte de séance avec les juges qui avaient jugé, c'était pour Halimi ou pour une autre, qui avait jugé, en fait, la personne qui avait tué la juive, qui avait défenestré comme étant un fou. Il l'avait envoyé dans un asile psychiatrique parce qu'effectivement, tous les éléments montraient que cet homme était fou. Et il les avait insultés, criés dessus. Ils étaient obligés de lui dire se calmer. C'était lui qui avait fait ça. Pour dire à quel point, en fait, ils se sentent à l'aise, ils vont même jusqu'à prendre les juges à part, à leur dire non, mais là, votre jugement, on n'est pas d'accord. Il faut bien que les gens se rendent compte, oui, effectivement, que c'est une religion de la République juive. C'est une religion, oui, c'est un dogme. Tu ne peux pas passer outre. Dans les Gilets jaunes. Aussi, les Gilets jaunes, on avait le grand rabbin, on l'avait cité, ça aussi, ouais, le grand rabbin. Prier pour la République. Qui prie pour la synagogue qui appelle à prier pour la République, ouais, ça c'était carrément fait. Ouais. Et donc, voilà, pour revenir à l'action politique, ce Civitas qui veut rentrer dans le système, qui veut rentrer dans la République, en fait, dans le temple de la religion de l'homme et du juif, pour prétendre changer le système de l'intérieur, en fait, pour moi, c'est aussi... Enfin, c'est aussi intelligent que si le catholicisme, pour éradiquer l'idolâtrie, elle était rentrée dans les temples dédiés aux faux dieux pour essayer de le changer de l'intérieur. Non, tu édifies ton bâtiment à l'extérieur. Donc c'est terminé le légalisme. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire. Alain Skadas, il va nous dire, bon, ben voilà, oui, nous, on est dissous, mais on n'a pas été assez légalistes, faites un effort de plus que nous, voilà, il faut continuer comme ça. Non, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il faut passer dans la clandestinité. Dans la clandestinité et dans des attaques de style guérilla au niveau de l'information. Enfin, encore plus intelligent. Non, attaque de guérilla au niveau de l'information. De l'information. Non. Mais par contre, ce que je veux dire, alors tu vois, tu m'as fait perdre mon fil. Excuse-moi, avec tu m'as fait flipper là. Non, mais en fait, ils vont apprendre qu'ils ne peuvent pas. En fait, ils utilisent De Regno, de saint Thomas d'Aquin. C'est ça, en fait. Je pense qu'ils pensent que saint Thomas d'Aquin nous disait que lorsqu'un régime est vraiment totalitaire, il faut travailler de l'intérieur et essayer de le changer. Sauf que là, on ne peut plus. Il s'est terminé. Il est tellement corrompu. Il est tellement pourri. Et il en va même de la survie de sa propre population. On a bien vu ce qui s'est passé avec le coup du Covid, les vaccins, on voit le nombre de morts qu'il y a, qui sont à tel point que même les journalistes n'en veulent plus entendre parler du vaccin, tellement ils voient les dégâts que ça a causé, que là, il n'y a plus rien à changer. Il faut construire une société parallèle et laisser celle-là s'écrouler puisqu'elle est en train de s'effondrer. Il ne faut pas rentrer, faut pas mettre un pied dans la République, mais j'ai envie de te répondre. Adolf Hitler avait quand même eu l'audace de se présenter aux élections. Bon, il avait annoncé la couleur tout de suite. Hein. Une fois au pouvoir, il allait changer radicalement les choses et opérer un changement de régime. Mais voilà, il avait quand même joué le jeu de la démocratie. Ouais, mais je te répondrai que, bon, d'accord, la République de Weimar, c'était vraiment quelque chose. Mais nous, on est beaucoup plus loin, quoi, dans la putréfaction, quoi. Ils ne le laisseront pas passer. Ils ne le laisseront pas faire. Ils ont très bien appris des erreurs de ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. Ils ne laisseront pas passer une seconde chance comme ça, à moins que le système soit tellement en train de s'effondrer qu'il n'ait plus du tout le contrôle sur quoi que ce soit. Et avec, on a vu les émeutes raciales qui ont eu lieu récemment, qu'on arrive peut-être au grand moment de rupture où tout deviendra possible. Oui, mais il faut justement libérer l'esprit du peuple. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans la Révolution française, alors je conseille un livre de Taine qui a fait vraiment, on suit au jour le jour ce qui se passait. Les souverains en France à cette époque-là, c'était les bandits, il y avait des étrangers aussi qui étaient ramenés, c'était l'attroupement, c'était l'émeute. Et les gens, ils allaient, ils volaient le grain, ils coupaient la tête à l'aristocrate, mais partout dans toute la France, surtout à Paris. Et en plus, ils faisaient au nom de la liberté. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient même pas coupables, ils sentaient qu'ils avaient le droit pour eux. Et c'est là qu'il va falloir en arriver. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec les émeutes raciales, avec l'insurrection raciale du mois dernier, c'est qu'eux, ils pensent aussi avoir le droit moral de tout casser. D'accord ? Et le problème, c'est que les Blancs, ils sont très loin de cet état d'esprit. Pour l'instant, aujourd'hui, les Blancs, ils pensent que, ben, alors Civitas aussi, qu'il y a encore une légitimité dans la République, qu'on peut y aller. Non, c'est un truc qui n'a aucune légitimité. Le devoir du Blanc, c'est de la détruire. Il faut en arriver à cet état mental-là. Ah oui, oui, c'est vital. Oui, voilà. Et c'est pas en faisant du légalisme qu'on va y arriver. Ça, c'est même ça va faire l'inverse. Okay, bon, on a parlé un peu beaucoup, mais d'ailleurs, des limites de Civitas, et je vous rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai que, bon, Escada, c'est pas Adolf Hitler. Hein. J'espère que tout ce petit bloc va se radicaliser de la tête jusqu'aux pieds, pour toutes les strates de Civitas. Néanmoins, par rapport à cette histoire répugnante de dissolution, si encore Pierre Hilar avait dit les juifs, machin, il n'a pas dit grand-chose, hein, vraiment. Moi, je suis pas hyper choqué. Hein. Après, peut-être que je traîne trop sur Internet, donc du coup, je suis peut-être insensible maintenant aux pleurnicheries du peuple de Lumière. En tout cas, dans cette épreuve de dissolution, malgré les reproches qu'on peut faire à Civitas, et on vient d'en parler un peu, je pense qu'on peut dire quand même, de manière générale, on se sent solidaire quand même de Civitas sur ce point-là, faire bloc, parce qu'on voit qu'ils ont le système à l'intention de tout dissoudre, tout ce qui est un peu trop à droite, de manière complètement inconsidérée, sans vraiment apporter de critères précis, et que ça va s'amplifier, en fait. Voilà. Donc on trouve ça assez injuste, hein, finalement. Bah, il pourrait très bien prendre l'exemple de ce qui est en train de se passer avec Trump et Biden, hein, que Biden est en train de persécuter Trump pour l'empêcher de faire les élections 2024, et s'attaquer à Marine Le Pen et dissoudre... le RN, dissoudre tout ce qui passe, tiens, on vous l'a dit ça, on le dissout. Voilà, hein, c'est tout. Vous voyez très bien ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lorsque c'était. Il parlait des bateaux qui ramenaient des Africains et un des du RN a dit ils ont qu'à les renvoyer, ils ont qu'à retourner en Afrique. Et c'était Bilongo l'a pris pour lui exprès. Hein, et ça a déclenché tout un tollé, ah, racisme, machin. Voilà, ils peuvent faire n'importe quoi. On est dans une république juive, on est dans un état communiste avec la nomenclatura et la Pravda, avec les médias qui disent n'importe quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Macron n'arrête pas d'utiliser les 49.3. Il n'y a plus rien, c'est fini. Je voulais juste conclure, parfois dans la vie, un revers personnel, amoureux, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Et donc je pense que cet événement, malgré ses aspects regrettables, est la meilleure chose qui pouvait arriver à Civitas. Donc je les encourage, grâce à cette leçon, de passer du légalisme à la clandestinité. On reste hors du temple et on le regarde s'effondrer. Et la deuxième chose, de passer du réactionnaire aux révolutionnaires. Je reprends une formule en la modifiant un petit peu d'un ami politique. Par la svastika et par la croix, guérir du juif. Plein gaz, allons-y, très bien. Sans transition aucune, même si je vois un lien direct avec ce que vient de conclure Lesinko, on ne pouvait aussi ne pas parler de ce qui s'est passé dans la dernière interview par exemple, de Dieudonné dans Riverol, dans le numéro de août 2023. Donc, Dieudonné qui s'est prononcé sur son rapport qu'il a avec la communauté juive. Il a dit deux, trois petites phrases intéressantes, on va en parler. Et puis, là, il a trouvé ça antisémite, bien sûr, de toute façon, quoi qu'il dise, tout antisémite. Et a porté plainte, voilà, carrément. Alors, je vais lire trois petits extraits. Je vais peut-être pas lire d'un coup, on va peut-être en parler au fur et à mesure. Je vais lire un premier petit extrait. Dieudonné donc disait... « Je crois que confronter les Juifs à la lumière du pardon, c'est très important. C'est un peuple qui ne pardonne pas. Pour moi, ce ne peut être que le diable. Pour ma part, j'arrive à Jésus par une culture qui est très différente. » Alors là, il met les pieds dans le plat tout de suite. Je suis désolé si ça fait déplaire à certains Juifs, mais effectivement, le peuple du pardon, moi, quand on parle de ça, je pense pas aux Juifs, quoi. Je pense aux chrétiens. Oui, c'est bien que Dieudonné ait réagi dans ces lignes, d'autant que son intention était un petit peu de répondre aux nationalistes qu'il avait pu un peu décevoir suite à cette publication de lettres de pardon. D'ailleurs, là, bon, à peine passé dans Rivarol, donc la LICRA, ex-LICA, a réagi, puisque avant, elle combattait que l'antisémitisme et pas le racisme. C'est après la guerre où il fallait discriminer personne, donc il a fallu rajouter un petit peu le mot pour paraître un petit peu plus humain, un peu plus humaniste. Mais il s'est plutôt bien débrouillé. Bon, on voit qu'il y a quand même un après où il a un petit virement un peu crypto-sioniste, parce qu'avec son pays d'origine, le Cameroun, l'État d'Israël arrive à maintenir une certaine... on va dire paix militaire dans sa zone. Bon, c'est son choix. Après, finalement, il n'a jamais vraiment changé. Moi, à l'époque de cette pas un scandale médiatique, mais vous voyez la chose, il y avait un peu les réponses de Dieudonné et de Soral, et les deux se flinguaient un petit peu, et je pense que les deux donnaient disait des choses vraies, quoi, que en fait il a un côté humoriste et un peu à part, donc c'est un peu sa technique des fois de faire des gros coups de pub comme il arrive bien, hein, parce que quand il avait rapproché Jean-Marie Le Pen, pareil, le coup de tonnerre et tout, il arrive à faire des gros coups de tonnerre médiatiques même sur le spectacle mur. Après, bon, comme ça une interdiction, ça fait un peu mal, mais finalement c'est un gros entretien de 3 pages quand même qu'il faut lire. Et il y a des petits points aussi intéressants sur la remigration, un petit peu de Camille Seba, quoi, en lui, on va dire. Et voilà, après, sur le crypto-sionisme, bon, bah, Maître Plomplon avait raison et le Gorafi avec, peut-être que c'est un agent du Mossad, finalement. Dieudonné aurait dit lui-même qu'il était un membre du Mossad, disant qu'il avait découvert qu'il descendait des Falachas, c'est-à-dire des Juifs éthiopiens. Voilà, on va demander au complotisme 3000 et demander à Glossy aussi s'il n'y a pas du nucléaire et des ovnis derrière, mais voilà, pour troller un petit peu. Après, sinon, voilà, bon entretien, c'est quand même un peu rassérénant vu que c'était, voilà, pour ceux qui en tout cas étaient déçus un peu de la chose. Il y avait eu des articles dans Rivarol, d'ailleurs même François-Xavier Rochette avait bien répondu à l'époque de cette publication de lettres en disant... Bon, certes, on l'assimile à tout ce qui est ultra-droite et tout ça, mais C'est vrai que Dieudonné, finalement, n'a fait que suivre son instinct et de lui-même. À aucun moment, quand il a fait toutes ses provocations ou autres, il y avait quelqu'un d'ultra-droite, un blancos derrière qui le poussait ou quoi. Il s'était peut-être assez lié, peut-être plus politiquement qu'amicalement à Alain Soral, mais sinon, voilà, il n'a pas vraiment grand-chose à voir avec ce milieu ultra-droite pour des raisons évidentes, parce qu'il est métisse et tout ça, mais avec le revirement et l'hostilité des Juifs, bah forcément, ça a un petit peu resserré ses liens à ce niveau. Et je trouve que bah il y a une petite mise en garde de Bourbon. Je crois que Jérôme Bourbon avait fait un petit paragraphe un peu avant de débuter l'entretien qui, voilà, pas une ligne est à modifier. Et c'est vrai que Diodo qui a quand même eu un ventennio, c'est pas le ventennio fascista cette fois-ci, mais ça fait quand même 20 ans de spectacle et en plus il en fait un par année si c'est pas plus. Donc très prolifique, des personnages assez drôles en plus parce qu'il arrive à faire tout quoi. Je sais pas, des trans, des maghrébins, des méga-nazis. Enfin, il arrive franchement à... Il y a du talent, si on parle d'ailleurs plus pur humoriste, ce qui est un petit peu dérangeant pour un chrétien quand même, c'est le côté, des fois, peut-être un peu trop vulgaire. Ça parle un petit peu trop du postérieur, de machin, des gros mots, les choses comme ça, mais bon, ça fait partie Jardin. Voilà, c'est ça. Nain de Jardin, bon, c'est... Au moins, c'est pas un gros mot, quoi, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir l'image en tête, hein, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas reprocher quoi que ce soit sur le côté grossier, je ne suis pas un exemple là-dessus. Par contre, je suis obligé d'appuyer ton propos, Rex, c'est vrai que c'est le meilleur humoriste de ma génération, en tout cas. Je ne vois pas quelqu'un qui puisse être de son égal. Voilà. Faut dire que les autres humoristes, de quoi ils parlent, bah, ils parlent de rien. Voilà. Ils parlent de la météo, des problèmes de couple, des sujets faciles, voilà. Il y en a même qui piquent les blagues d'autres humoristes, hein. Ouais, par exemple, comme Gad Elmaleh. Voilà, qui est toujours pas baptisé d'ailleurs, si des gens demandent. Non, il est toujours pas baptisé, c'était de la com', hein, c'était de la com'. Un humoriste, c'est ça, hein. Un humoriste, il doit déranger. Le bouffon du roi, à un moment donné, il a une limite, d'accord, donc, traditionnellement, le bouffon du roi ne pouvait pas se moquer de la reine, je crois que c'était la seule limite, et de la religion. Le bouffon, il rentre dans la pièce, hein. Et il allume tout le monde, y compris le roi. D'ailleurs, petite anecdote, le bouffon de François Ier s'appelait Triboulet. Et en fait, un jour, Triboulet, il a fait comme moi, tu vois, il a fait comme moi sur YouTube, en fait. Tu vois, il s'est trop lâché, il a pris une suspension, tu vois. Sauf que là, en fait, c'était pas YouTube, c'était François Ier. Il a commencé à dire, ouais, François Ier, bon, de temps en temps, il empale le palefrenier, tu vois. François Ier, 1m98, 110 kilos, si tu veux, il lui a dit, alors, arrêtez-le. Tu vois, ils l'ont mis au fer. Et en fait, Triboulet continue à lâcher des punchlines en étant en prison, si tu veux. Et ça faisait rire François Ier, tu vois. Donc, si au bout d'un moment, François Ier, quand même, parce que, bon, le bouffon était drôle, tu vois, il lui dit, écoute, Triboulet, là, t'as commis un crime, t'as insulté ton roi, il va falloir que tu meurs. Mais comme je t'aime beaucoup, tu peux choisir ta mort. De quoi tu veux mourir? Et là, Triboulet, fantastique, il regarde le roi. Il lui dit, de vieillesse. Et en fait, François Ier, il éclate de rire. Et si tu la vannes est tellement bonne qu'il lui dit « Allez, casse-toi, retourne en Italie, parce que le mec était italien. » Et un humoriste qui dérange pas, il a raté sa vocation. Donc, les gens qui font des sketchs en long, en large, en travers sur les problèmes de couple, ça va 5 minutes, hein, les Franck Dubosc, Florence Foresti, Muriel Robin, les gens qui font pas rire, mais qui sont subventionnés à mort. Dieudonné, lui, il a pas de subvention, mais il fait beaucoup rire parce qu'il dérange, tout simplement. Bah, c'est de la soupe conformiste, exactement, d'ailleurs, comme le langage de Vatican II dans ses encycliques, c'est très creux, c'est très vide, et pareil, les humoristes qui, en fait, ne surfent même pas avec quelque chose d'un peu tendancieux, un peu conflictuel et tout, enfin, et, alors, il y en a un petit peu qui dérogent, vite fait, genre Franjo est pas trop mal, là, sur la crise sanitaire ou d'autres choses, de féminisme, etc., bon, ça fait assez moderne, là aussi, parce que, en tant que chrétien, on va être dérangé, il va y avoir une blague sur le préservatif, ou que sais-je. C'est imparfait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Même Gaspard Proust, voilà, il fait rire un peu le droitard, mais il est quand même un peu incorporé dans ce système. Donc on peut trouver des petits trucs sympatoches ici ou là, mais c'est vrai que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et voilà, comme tu dis, bah, Molière, c'était son rôle d'être critique, même Jean de La Fontaine, par exemple. Même si voilà, c'est de façon détournée, donc ça passe mieux, mais en fait, ça fait passer un message très clair et pas toujours, voire pas souvent, pas du tout en faveur des puissants. Oui, d'ailleurs, ça ne correspond pas forcément à une couleur politique. Coluche, qui était complètement de gauche, qui refusait de faire des alliances politiques avec l'extrême droite lorsqu'il pensait se présenter pour la présidentielle, enfin plus que penser d'ailleurs, il est passé à la postérité parce qu'à un moment donné, il était subversif, même en étant à gauche. Je veux dire, c'est facile de faire des blagues. J'ai fait une petite blague sur les prêtres, le pape et tout. Qu'est-ce qui va m'arriver comme souci ? Ouais, rien du tout, il va rien se passer. Faites des blagues sur des rabbins. Faites des blagues sur des rabbins pédophiles. Essaye pour voir. Tu vas voir ta carrière d'humoriste, comment ça va se passer. Non, ben regardez ce qui s'est passé avec Biga quand il a essayé de faire un spectacle avec Dieudonné. Hein. Il y a apparemment, comment il s'appelle, le juif Hanouna qui est intervenu avec ses réseaux pour mettre un coup de pression à Bigard et le forcer à annuler le spectacle. Hein. Mais il y avait aussi en référence, il y avait Pierre Desproges par exemple qui pouvait être pas trop mal parce que les sketchs corrosifs sur les juifs, là tu peux presque citer l'entrée qu'il avait donnée. Là, genre, on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ? Et j'irai aux douches si je veux. Il prend en pseudonyme le docteur Potio, genre le seul docteur français à avoir pendant la guerre limite torturé des juifs et tout ça littéralement, et en fait c'est assez fort, pour le coup en plus il n'y a pas le souci de la vulgarité parce que c'est un personnage assez littéraire, et après ce qui va nous déranger bien sûr, il a la culture de gauche, il était dans la jet set juive quand même et il s'en prenait un peu à Jean-Marie Le Pen, donc bon c'est pas une référence politique mais voilà, en tant que pur humoriste il était pas trop mal et en phase avec son époque quoi. Moi, pour donner ma vision de Dieudonné, je vous avoue que je trouve énigmatique comme personnage. C'est difficile de comprendre ce qu'il est en train de faire. Quelle est la logique, en fait C'est souvent l'argent, je suis obligé de le préciser. Pourtant, j'aime beaucoup le personnage. Ouais. C'est souvent l'argent qui le motive. Oui, c'est l'argent, ouais, je confirme. Ouais. Ben, en fait, dans sa dernière interview, quand il parle il devient un peu sioniste parce qu'il y a un soutien au Cameroun. Je pense que Dieudonné, c'est un métis. Ça veut dire que sa mère, elle est blanche, et son père, il est noir. Donc c'est la race. Il n'est pas binational, je précise. Hein. Il a uniquement la nationalité française. Oui. Et chez les noirs, en plus, tu as un petit côté où que la femme soit blanche ou pas, ils s'en fichent, l'enfant est noir. Hein. Ils ont cette mentalité. Oui, mais je veux en venir, c'est que la caractéristique de la race nègre, ou noire, tu le prends comme tu veux, c'est un petit peu l'incapacité de s'élever jusqu'à l'universel. C'est un petit peu le trait caractéristique, c'est le tribalisme chez eux. Donc, je me demande si la clé de l'énigme Dieudonné sur le long terme, c'est pas ce tribalisme-là. Parce que si on regarde ce qu'il faisait au début, Dieudonné, enfin, je parle des années 90, il a complètement sa place dans le showbiz avec les Juifs. Ça, il faut pas l'oublier. À l'époque, il attaque même l'Église dans ses spectacles. Rappelez-vous du spectacle Pardon Judas. En gros, il glorifie un peu Judas. Hein. C'est un peu ça. Il nous dit que la charte des droits de l'homme est sa seule religion. Il est encensé partout. On dit qu'il a du talent. Ce qui est important pour lui, c'est l'antiracisme. Il a tenu des propos. Enfin, je voudrais en citer un qu'il a tenu en 2002. Il nous dit: les Noirs sont considérés en France comme de grands enfants, des clowns pour le blanc esclavagiste. Le béquet, c'est le blanc, gros. Le béquet est fini. La survie ne tient que dans le métissage. Et moi, donc Dieudonné qui parle, et moi, j'observe avec le sourire sa déchéance. Donc, il avait d'ailleurs été poursuivi par la Griffe. Je ne connaissais pas l'existence de ce truc-là. C'est un peu la LICRA, mais pour les blancs catholiques. Enfin, bon, il n'a pas été condamné. Oui, c'est tenu par Bernard Anthony. Genre un peu, je ne sais plus s'il n'est pas pour ancien, la Fraternité Saint-Pierre. Donc, ouais, c'est ça. C'est qui défend les sujets de racisme anti-blanc et anti-chrétien. Mais bon, voilà, c'est un peu la LICRA pour nous. Ouais. Mais en même temps, voilà, c'est peut-être plus mesuré, je dirais. Visiblement, pas, il a moins de succès. Ils ont moins de succès au tribunal. Il y avait, je vais citer cette. C'est pas les mêmes réseaux. Je vais citer ce petit billet d'humeur d'Hervé Ryssen qui parlait de Bernard Anthony, parce que Bernard Anthony est le président de l'association du cercle d'amitié franco-israélienne. Et Hervé Ryssen avait dit, je ne sais pas quelle est la circonférence de ce cercle, mais à mon avis, c'est très proche. Ouais. Et du coup, à cette époque-là, il veut défendre la cause des Noirs, donc partir en croisade, en gros, contre l'esclavagisme de l'Occident, etc. Et donc, il se met en tête de faire un film. Donc, il va voir le CNC, et il demande une subvention, et on lui refuse. Et là, ça a été le premier virage, en fait, dans Dieudonné. On lui refuse cet argent pour faire son film. Et il voit à côté tous les films sur la Shoah, sur Hitler, tous les documentaires, machin, et il se dit, merde, pourquoi moi, on ne me donne pas, pourquoi il y a tout pour les Juifs, en gros. Et c'est un peu une jalousie tribale, en fait. C'est-à-dire, OK, moi, je veux aussi parler de la souffrance, etc., mais il y a un lobby qui a le monopole de la souffrance. Oui, bah, ça a été un golem des Juifs à ce moment-là qui s'est retourné, et qui s'est vraiment retourné. C'est pour ça qu'ils l'ont eu mauvaise. Et c'était l'époque où ils s'en prenaient pas mal au Front National, si bien que quand Soral y était, il passait chez Ardisson et il le flinguait un peu, là, sa diatribe, un peu en disant bah, c'est un humoriste, donc c'est un inculte, parce que le propre des humoristes, voilà, c'est pas de se cultiver et tout, c'est de connaître deux, trois références et de faire rire. Mais voilà, c'est cette période-là, en fait. Mais il y a eu un revirement quand même. Par contre, c'est vrai que tu as raison aussi de dire. L'antiracisme est chez lui une constante. Il vient de là, il n'en sort pas, il n'en sortira pas. Par contre, c'est une autre conception que l'antiracisme machine à encaisser de la LICRA, c'est sûr. Non, mais il est de toute façon, il ne sera jamais blanc. Donc, ça ne sera jamais un des nôtres non plus 100%. Donc, voilà, c'est ça aussi. En fait, il parle toujours du Cameroun, mais jamais réellement de la France. Il dit son pays d'origine, je suis Camerounais, alors qu'il n'a que la nationalité française. Donc, ça veut dire ce qu'il est. Il sait très bien qu'il n'est pas français. Il ne le sera jamais. Ça passe par le sang. Lui, par contre, l'a compris. Ce que beaucoup d'autres personnes n'ont pas compris. Ce serait bien que les autres le comprennent maintenant. Ouais, mais je veux dire, dans ses motifs profonds, il ne s'est pas rebellé contre la Juive en France en disant « Ah, c'est une honte, ils ont trop de pouvoir, c'est mauvais pour la France ». Non, c'était une jalousie tribale. La bascule idéologique de Dieudonné intervient au début des années 2000. À cette époque, l'humoriste veut réaliser un film sur l'esclavage. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait en fait un scénario qui s'appelait « Le Code Noir ». Il n'a pas trouvé d'argent pour le réaliser. Et il en a déduit finalement que lui, parce qu'il était noir, il ne trouvait pas les moyens de réaliser son film, alors que beaucoup de gens trouvaient de l'argent pour réaliser des films sur la Shoah. Quand je travaille pour faire un film sur la traite négrière et que les autorités sionistes, parce qu'aujourd'hui dans le cinéma ce sont les autorités sionistes qui me répondent « ça n'est pas un sujet de film », c'est-à-dire avec l'argent public on fait 150 films sur la Shoah, moi je demande d'en faire un sur la traite des noirs, on me dit « ça n'est pas un sujet de film ». C'est venu après, cette révolte ouverte contre la juiverie. Bon, le problème de Judo, c'est qu'il a un peu dit tout et son contraire. Donc, c'est vrai que c'est énigmatique, que tu dis, Elzinko. Et c'est difficile de le mettre dans une case. Et puis, je voulais aussi venir sur un petit point, d'ailleurs, j'en profite. En termes de, vous savez, la question révisionniste, par exemple, qu'on va pas traiter dans cette émission. C'est même pas le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de populariser, de vulgariser cette question-là. C'est très difficile. Et je crois que Dieudonné, à lui seul, il a réussi, juste en invitant Forisson au Zénith et en faisant un petit sketch, improvisé d'ailleurs, avec Forisson, il a réussi à lui seul à faire plus pour la cause révisionniste que 30 ou 40 ans d'activisme dans le milieu de l'extrême droite. À un moment donné, les gens ils se sont dit « c'est qui ce Forisson? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, d'accord, mais tiens, on va s'intéresser et tout. » Et voilà. Et c'était très fort comme coup de pub. Il a ce génie-là quand même. Merci à vous. c'est pour ça que les artistes, ils sont aussi contrôlés, en fait. Ils ont leur compte Twitter, ils ont un milliard de followers, donc s'ils disent le moindre truc vers la vérité, ça peut poser des gros problèmes au système. C'est pour ça que la plupart des chanteuses, Beyoncé, machin, en fait, ils sont sous contrôle mental, quoi. Il faut les contrôler, quoi. Ouais, faut pas qu'ils nous fassent une Kanye West ou un truc comme ça, donc voilà, c'est sûr. Et sur l'antisionisme, après, moi je le déplore, hein, évidemment. Je sais pas, je vais pas parler de l'État d'Israël du soir au matin parce qu'on a nos soucis à l'échelle française, européenne et tout, mais ça en fait partie. Comme disait Longinus voilà, tout à l'heure, c'est quoi ces gens qui sont cosmopolites chez nous et quand ils vont en Israël, ils deviennent nationalistes, ils passent de Zola à Barès en référent. Mais après, voilà, pour nous, il faut quand même être juste. C'est pas juste une histoire de entre guillemets de bougnoule, tu vois, ou je sais pas quoi. Voilà, il y a la justesse, c'est que voilà, c'est un État qui s'est construit sur des mensonges, qui ne font que grandir en sémant la guerre répétée, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient, mais en fait avec les satellites qui détiennent les États-Unis, la France, l'UE et machin, finalement ils te mettent sous coupe réglée un petit peu tout et entre voilà, messianisme, messionisme, machin, ce sont des sujets différents et en même temps tellement liés que on peut pas valider l'un, en plus, ne serait-ce que sur la Terre Sainte, selon le pape Saint-Pédis, ils n'ont aucun droit, par exemple. Et en plus, ces soucis de sionisme, ils nous les amènent chez nous avec Zemmour ou des trucs comme ça. Après, bien sûr, on va pas nier que à l'heure actuelle, c'est un État constitué, Israël. Bah oui, on leur a tout donné, ils ont l'arme nucléaire, un État, une nation, un truc, bah oui. Après, c'est un peu du bricolage parce que c'est un cosmopolitisme de juifs où ils sont des nationalités de partout, ils parlent différentes langues, quand ils font pas venir eux aussi une certaine immigration d'ailleurs. Et voilà, sinon, ça ne ressemble à rien, quoi. Certains diront, ça peut être joli ici ou là. Bah oui, si t'es sur les côtes, tu peux avoir des beaux coins comme partout. Hein, mais bon, ça fait pas rêver, hein, le truc. C'est un pays paranoïaque qui met en danger sa propre communauté et le reste du monde. Ils n'ont aucun droit à l'existence. Hein. Israël n'a aucun droit à l'existence. Ouais, c'est vrai que cette question est assez complexe. Oui, normalement, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment le droit à l'existence. Le problème, c'est qu'ils le sont aujourd'hui constitués et qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Par contre, leur pays n'est pas viable. Donc le jour, admettons qu'il y a une révolution mondiale, parce qu'ils sont en train d'embêter tout le monde, hein, et techniquement, ils tiennent le monde dans leurs mains, le jour où il y a une révolution mondiale, il y a un front assez puissant pour pouvoir les renverser, ils vont avoir quelques petits soucis. Parce que leur pays, économiquement, n'est pas viable. Ni au niveau des ressources, etc. Et ils sont entourés d'ennemis. Donc effectivement, il risque de se passer quelques trois petits trucs. Ça risque d'être assez intéressant à voir. C'est difficile de construire une nation quand c'est constitué d'intellectuels, de violonistes et qu'il n'y a personne pour sortir les poubelles, quoi. Ah oui, je confirme, hein. Effectivement, quand personne n'est capable de changer une ampoule, effectivement, là, on a besoin du goy. Je vais lire un autre extrait de Rivarol à ce propos, justement. Dieudonné en parlant des juifs. Leur technique est d'avoir une diaspora forte qui pompe tout, qui ramène tout. La diaspora en France fait partie des gros donateurs, ou plutôt des gros pilleurs. On l'a vu avec la taxe carbone, tout l'argent qui est parti en Israël, des milliards, c'est fou. Là, tu me permets de parler d'un sujet, en fait, c'est l'immigration économique, c'est forcément un truc bas. Si par exemple, on prenait un cas, genre au 19e siècle, les Russes, ils échangent en français au sein de l'aristocratie entre eux. Mettons, un de ces Russes-là avait émigré en France pour s'installer, etc. Évidemment que ce gars-là, il serait arrivé en France avec des étoiles dans les yeux comme pas possible, et il se serait assimilé en deux secondes, genre, pour le coup, vraiment plus français que les Français, tu vois, pour le coup. Bon, sauf peut-être sur les racines, voilà, ethniques et, enfin, biologiques, disons. Mais voilà, là, c'est vraiment un cas où, voilà, à petite dose... concrètement, le gars aime le pays, alors que là, pour voilà, ce que dit le Raf Twitou, ou l'immigration voilà, issue de l'Afrique, de l'Asie, etc., c'est vraiment immigration économique, c'est-à-dire on vient parce qu'il y a de l'oseille, il y a machin, et c'est rien de plus, c'est une intégration économique, ça va avec la machinerie de l'homme, hein. De toute façon, on est réduit à des machines, à des objets, à des trucs comme ça, hein. c'est complètement dans Ah bah nous sommes du bétail, nous sommes du bétail pour ces gens. Le bétail goy. Je lis un dernier extrait parce qu'il me fait rire. Après, j'arrête, promis. Dieudonné, toujours en parlant des juifs. C'est une sorte d'aristocratie imbuvable, insupportable. Ils n'ont même plus besoin d'être polis avec les gens. S'ils peuvent vous pisser dessus, ils le feront. C'est très clairement ce qui se passe, hein, je veux dire, là, après les gilets jaunes, après les manifestations, vous voyez très bien comment les juifs sont montés au créneau partout. Les lois qui ont été passées, même par Trump, qui ont été anticonstitutionnelles et qui ont érigé les juifs au niveau d'une royauté qu'on ne peut plus critiquer. Même Trump l'a fait. Hein. Il faut que les gens le sachent. Au niveau, il a violé la Constitution des États-Unis en faisant ça. Le gouverneur de Sandy, ces gens, effectivement, c'est une aristocratie. C'est très bien, le terme est très bon. C'est une royauté, une aristocratie de gens qui sont intouchables. Et ça se voit partout. Et imbuvable aussi, apparemment. Okay. Pour revenir sur l'histoire de Dieudo, donc effectivement, il y a l'aspect tribal, où on voit qu'il part en croisade contre les Juifs. Très rapidement, d'ailleurs, il se fait condamner assez rapidement. Enfin, il se met à dire des trucs comme « Les Juifs, c'est une secte, une escroquerie ». Condamné pour ça à l'époque. Après, il y a eu, en 2003, le fameux sketch chez Fogiel, là, où il se ramène avec les papillotes, où il y a Debbouze, il dit que c'est un acte antisémite qui est Debbouze, c'est un arabe sur le plateau, et il s'adresse aux jeunes des cités, il leur dit « rejoignez le sionisme, c'est plein de débouchés ». Et après, à partir de là, il est parti en souterrain, quoi. C'était fini, il n'avait plus de talent, il était nul, mais il a continué à se produire en France, notamment avec le théâtre de la Main d'Or, qui louait d'ailleurs, qui n'était pas propriétaire. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Soral, qui avait écrit en fait dans son bouquin là, Jusqu'où va-t-on descendre. En gros, il expliquait que Dieudonné, en fait, il devait au final beaucoup au système juif. Alors, ça l'a intéressé, il a voulu le rencontrer. Donc, il y a eu toute la période dissidence où effectivement, ils ont fait beaucoup de bien pour des sujets comme pour le révisionnisme, etc. Ça a aussi donné un petit peu de la force au mouvement d'Alain Soral. Je ne me réclame pas d'égalité et réconciliation, mais bon, ça a quand même fait beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de conversions par rapport à ça, beaucoup de gens qui sont réveillés. Donc, il a participé à ça. Et puis, les gens ont parlé librement de la question juive avec de l'humour, quoi. En général, ouais. Les chouananas, je veux dire, c'est énorme, ouais. Chouananas. Rapidement, ce qui s'est passé pour lui, c'était les condamnations. Vraiment, si vous regardez sur Wikipédia ces condamnations... Enfin, il y a des trucs, c'est marrant. Hein. Des fois, par exemple, il a accueilli un huissier de justice avec un flashball, il lui a tiré dessus, il s'est pris 20 000 euros de l'amende pour ça. Et en 2000, dans les années 2010, il en était déjà à 200 000 euros en cumulé de ce qu'il devait payer. Ça, c'était juste tout ce qui était diffamation, déclaration antisémite. Ça, il se lâche, par contre, on l'a vu, ben encore, il n'a pas pu résister dans Rivarol. Voilà, il dit des trucs, en plus, c'est marrant, c'est un humoriste, donc ça plaît encore moins aux juifs. Et là, dernièrement, enfin, là, c'est pour parler de l'aspect financier, parce que voilà, il y a l'aspect tribal, mais il y a l'aspect financier qui explique le personnage. Et le fisc, là, et en ce moment, il y a le fisc qui est derrière lui. Ils ont trouvé 600 000 euros de cash chez lui, ils se sont rendus compte qu'il envoyait pas mal d'argent au Cameroun comme ça. Et là, il risque 800 000 euros d'amende. Donc, vous additionnez les 200 000. Là, il faut qu'il sorte 1 million d'euros. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il a fait son... Là, il dit aujourd'hui, il arrive dans Rivarol, il nous dit, bon, ben, c'était pour exposer les Juifs, pour montrer leur face à la lumière du pardon. Moi, je veux bien, mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette façon de faire. C'est-à-dire comme si c'était un piège, tu vois, le pardon. Moi, bon, pourquoi pas, mais... Donc voilà, il s'est avancé dans cette voie-là. Il y a Soral qui l'a condamné tout de suite. Bon, déjà, il ne devait plus être en très bon terme, mais bon, voilà, sur égalité et réconciliation, ils l'ont tiré dessus, on dit qu'il retournait. C'était une teshuva, voilà, ce qu'il avait fait au mois de janvier. Il s'est rendu quand même à Auschwitz. C'est n'importe quoi. Avec Lalanne, il est devenu ami avec Lalanne. Bon, Lalanne, maintenant, c'est un complotiste. Voilà, il avait critiqué le covidisme, et il est pour le RN, soi-disant. Mais bon, Lalanne, moi, j'ai retrouvé des vidéos de lui, un peu ancienne, il dit son rêve c'est d'être juif. Francis, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est marrant. Enfin, ah non, je ne savais pas. Non, bon, non, là, des vidéos de lui, il dit les juifs, mais tu sais, avec sa façon de faire là. Oui, ce type est un ovni un peu dans le monde, il n'est pas bien méchant, c'est un doudingue, mais c'est tout quoi, il n'est pas vraiment ouais, est... sérieux. Je crois qu'il a fait une apparition en plus chez, je ne suis pas sûr, hein, ce que j'ai... chez TEPA de Meta TV, Feu TEPA. C'est pour vous dire à quel point il était bizarre, je veux dire, là, il avait quand même, il était dans le milieu des chemises, il n'a pas besoin de passer chez TEPA. Bon, bref. Ouais, mais donc du coup, il y avait eu cette sorte de teshuva. Avant, il y avait eu une tentative, effectivement, vous l'avez rappelé, de faire des spectacles avec Bigard. Donc, oui. Bon, il y a quand même l'aspect financier derrière tout ça, on ne va pas se mentir, pour Bigard aussi d'ailleurs, apparemment. Donc ça avait échoué. Et là, donc, il y a cette demande de pardon à la communauté juive. Et il commence une nouvelle tournée, il prévoit une nouvelle tournée avec Francis Lalanne. Bon, je ne savais pas qu'il était humoriste, Lalanne, mais bon, enfin, si, à sa façon, mais bon, malgré lui plutôt, mais bon, bref. Du coup, il a même des dates prévues au Zénith. Ça m'étonnerait qu'il lui laisse le Zénith. Hein. Ça serait très étonnant. Là, c'est ce qui paraît dans la presse, comment Il a déjà son spectacle qui a été interdit à Montpellier, d'ailleurs. Là, c'est le... Il y a eu un arrêté le 6 août. D'ailleurs, je pense que c'est après. Donc, je comprends pas pourquoi il est sorti du bois. Si vraiment c'était pour l'argent qu'il faisait ça, ou alors il s'est peut-être rendu compte que sa demande de pardon, ça ne marchait pas. Mais pourquoi il est sorti du bois avant de dire ses spectacles dans Rivarol? Là, maintenant, il y a Alicra qui l'attaque, donc il va encore se prendre 20 000 euros d'amende. Je sais pas, je trouve ça bizarre, ça aussi. Excuse-moi de te couper, Rex. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, je suis pas un très grand fan de Dieudonné. J'ai lu qu'est-ce que c'est, certains de ses spectacles, c'est sympathique, c'est rigolo, mais je suis pas spécialement un très gros fan parce que je trouve, bon, il y a beaucoup. Raciste. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, tu vois surtout derrière les aspects, les magouilles financières assez grasses en fait. Donc, je suis pas vraiment un fan de ce genre de manigance. Ouais, voilà, je suis pas vraiment un fan de ce genre de manigance. De toute façon, dès qu'il y a de l'argent, après, ça se termine toujours comme ça en pourriture. Et puis bon, je pense que la suite logique pour Dieudonné, ce sera finalement de finir au Cameroun, de rendre sa carte française et de partir au Cameroun. Vous verrez que c'est là où ça va se terminer. Après, ça fait longtemps qu'il dit ça, hein, sauf qu'il n'y a pas de revenus au Cameroun. Ah bah oui, hein, à un moment, faut savoir un peu faire du sacrifice, hein. La remigration. Hein. Mais par contre, oui, il a fait des bonnes choses au niveau des spectacles. Après, je vous reviens à un truc, il dit, c'est bien d'exposer le juif à la lumière du pardon. Alors, on peut venir sur sur ce qu'est le pardon. Je vais citer un exemple. Non, pas pour les juifs, mais je vais citer un exemple de Saint-Louis. Saint-Louis était un des seigneurs de Saint-Onge était en conflit avec Saint-Louis. C'était Guy de Lusignan. Il a eu par plusieurs fois, et je crois qu'il y a eu deux soulèvements contre Louis IX. Deux fois, il a perdu, et à chaque fois, Louis IX lui a pardonné. Pour diverses, il a dit non, je vous pardonne, vous conservez vos terres. Ce qu'on a gagné, on le conserve, mais vous conservez vos terres, etc. Et le fait d'avoir pardonné Guy de Lusignan, ça a été après un énorme support aussi pour faire les croisades. Donc parfois, cette vertu du pardon qu'avait Saint-Louis est quelque chose de très positif. Maintenant, lorsqu'on parle des juifs, pour sauver la race blanche, pour sauver aussi le catholicisme et préserver notre peuple, ne doit pas nous amener à perdre notre âme, à perdre ce qui est essentiel. Cependant, pour ce qui est des juifs, eux ne pardonnent pas. Eux, c'est toujours, ils sont toujours à la loi du talion, ni pardon, ni oubli. Et être fidèle aux valeurs qui ont fait l'humanité, les valeurs de fraternité, d'entraide, de tolérance, mais aussi pas de tendre la joue quand quelqu'un veut vous donne une baffe. Oui. Les gens qui veulent votre mort sont aussi des valeurs qui sont difficiles, mais qui appartiennent aussi aux valeurs du peuple juif, qui est un peuple qui veut vivre. Oui, puis on n'a pas besoin de demander pardon aux juifs, on n'a rien fait de mal. Je ne sais pas ce que vous allez vous pointer en confession et puis vous allez inventer des péchés que vous avez faits parce que vous n'avez rien à dire. Ça ne se passe pas comme ça. On demande pardon quand on a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il n'a rien. Rien, il a juste critiqué, justement, comme toute personne est critiquable. Il a même fait du bien, en fait, par rapport à ça. Ah, c'est juste, pardon, peut-être pour revenir dans le show business et peut-être avoir l'aspect financier, sachant qu'il me semble que sa femme a divorcé de lui et est en procès contre lui aussi. Oui, il a une affaire, on va dire, sentimentale et familiale aussi sur le dos. Bon, il y a pas mal de choses qui éclatent en même temps. Ça doit être beaucoup pour un seul homme, donc bon, ça explique un peu ça. En tout cas, c'est ça. En tout cas, son affaire aura démontré que demander pardon aux juifs, bah, c'est l'aventure, quoi. Ça, c'est sûr. Bah, apparemment, ce qu'il disait, c'est qu'il y a certains juifs, quand ils ont vu la réaction d'autres juifs, ils ont dit « Ouais, je comprends qu'on devienne antisémite, en fait. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les juifs qui étaient contre lui. Il me semble que Alain Chabat n'était pas trop... disait, il aimait bien les spectacles de Dieudonné. Donc, il y a des juifs qui disent rien spécialement de Dieudonné. Ils ont dit « Ouais, effectivement, comment se comportent les autres ?» Effectivement, ça ne donne pas envie, quoi. En tout cas, j'espère, dans tout ce bazar, pour troller un petit peu, heureusement que bientôt, hein, parce que je vois que les étoiles sont alignées, le grand monarque du marquis de la Franquerie va débarquer des cieux un matin et rétablir le royaume de France super gallican, dans lequel nous serons évidemment des franco-juifs super messianiques et tout. Hein. Donc comme ça, au moins, on sera débarrassé. Mais... très, très bonne conclusion. Hein, la Vierge Marie viendra avec sa soucoupe volante. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés deux fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Et Laurent Glezy fera une extrême onction globale, fantastique. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié Sylvain Duriff, il faudrait quand même le mettre dans le trio. C'est sûr. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission, messieurs. Je vous dis au mois prochain. Avant qu'on quitte, vous savez que je vais être encore un petit peu lourd, mais il faut absolument que je vous demande un service à tous. Vous connaissez la réplique habituelle, mais je vais vous demander de partager cette émission partout où vous pouvez. Pas seulement sur Gab, pas seulement sur Odyssée, mais sur YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, partout, partout, partout. Si vous voulez prendre juste des petits extraits pour les mettre, faites-le aussi, il n'y a pas de souci, vous êtes complètement libre. La popularité de l'émission, elle est surtout due à vous, donc tout le bien que vous faites avec votre activisme, nous on en voit les fruits à chaque fois, tous les mois, donc on compte énormément sur vous, et je vous dis au mois prochain. Ouais, au mois prochain, je vous remercie les gars, c'était un grand plaisir cette émission. Je remercie les auditeurs et voilà, s'il vous plaît, faites ce que Bobby vient de dire, on a vraiment besoin de vous, et on a besoin aussi de vos prières. Donc priez pour nous et pour ceux qui font des podcasts. Et retrempons-nous donc dans les textes européens, comme j'en parlais avec les mythes arthuriens, voilà, la chanson de Roland et des choses comme ça, des choses positives qui nous ressemblent et qui nous fera, dans la société de demain, fonder une véritable communauté. Ah oui, les mythes arthuriens, mais s'il vous plaît, pas Kaamelott, d'accord. Pas la version caricaturale et moderne gauchiste. Back the time they have stolen from